Bonsoir les amis, et bienvenue aux festivités intensément amusantes et monétairement gratifiantes, les FIAMG Night Fever. On se retrouve exceptionnellement, on va en faire une tradition, qu'on le veuille ou non, de se retrouver les après-midi de où il y a des grands prix un petit peu trop matinal avec un S. Voilà, on se retrouve pour le goûter annuel des FIMG Night Fever. Donc, on espère que vous avez tous bien préparé votre goûter. Nous, on a préparé nos goûters. On va bien évidemment les présenter à notre tour. Donc, vraiment, allez vous servir votre verre de lait. Installez-vous, mettez-vous au chaud ou avec une petite couverture parce qu'il commence un petit peu à faire froid. Hein, c'est la saison. Et on va revenir un petit peu sur toutes les choses plus ou moins liées à la Formule 1 de ces dernières semaines. Bon, eh ben on va commencer. J'ai pas envie de faire l'égoïste, je vais laisser la parole à notre spécialiste des catégories qui roule à peau et aussi en catégorie inférieure, Monsieur Tim. Bonsoir Tim, comment allez-vous? Qu'est-ce que vous nous avez préparé pour votre goûter aujourd'hui? Bonjour Mick, bonjour Aurélien, bonjour Strigoun, bonjour le chat, les chats, puisqu'il y en a deux, il y a Twitch et YouTube, et ça fait beaucoup, ça fait beaucoup de chats. Ça fait bizarre déjà de dire bonjour, c'est vrai qu'on est habitué au bonsoir, c'est le bonjour. Et puis, alors tu l'as glissé, hein, voilà, pour mon goûter, moi j'ai le traditionnel verre de lait. Un classique. Voilà, le classique. Et verre de lait oblige un accompagnement à base de cookies. Voilà, c'est très classique. C'est un 4 heures très américain. Voilà, ça me vient de mon séjour dans le Texas il y a de ça quelques années. Ça m'a énormément formé sur l'art du goûter. Et voilà, j'ai décidé de rendre hommage à mon maître qui réside au Texas et qui m'a énormément appris sur l'art du goûter. Eh ben, ça m'a l'air particulièrement succulent, Tim. Je te souhaite un très bon goûter. Et puis, nous avons également notre spécialiste des maux de ventre, Strigoun. Est-ce que tu as concocté quelque chose de spécial aujourd'hui ou tu es parti sur du plus traditionnel aussi? Oh non, la tradition, je pense que je vais rappeler quelques souvenirs à certains. Donc déjà, chocolat chaud. Alors, comme j'avais dit, alors oui, c'est marqué coffee, mais c'est du chocolat chaud dedans, hein, désolé. C'est très bien. C'est pas forcément approprié, mais bon, c'est pas grave. Alors, du coup, au départ, j'avais dit en off à Mick, je voulais des cookies comme Tim, parce que moi, j'aime bien tremper le chocolat chaud dans le cookie. Ah, bah oui, oui. En l'inverse, le cookie dans le chocolat chaud. Oui, le cookie dans le chocolat chaud, merci. Oui. Moi j'aime bien tremper mon chocolat chaud dans mon cookie. Oui, bah bien sûr. Mais bon, bref, voilà, il n'y avait pas de cookies à côté de chez moi, voilà, bon. Donc je me suis rabasé sur des granolas, bon, ça ira, hein, ça trempera aussi bien que les cookies, je pense. Oui. Après, j'ai quelques Oreos aussi, si jamais j'ai encore un petit creux, mais surtout la pièce maîtresse, mesdames et messieurs, j'ai attendu qu'on soit en live pour le couper, mais le bon vieux Savane de Brossard, n'est-ce pas ? Il est magnifique. Alors, en live, évidemment, j'ai sorti mon plus beau couteau pour le... Alors, le problème, c'est que du coup, pour manœuvrer, on va pas se mentir, ça reste quand même assez compliqué. Mais le mec, coup, il va quand même essayer. La main en coupant du Savane. Justement, me fais pas rire. C'est un goûter très, très familial chez Strigoun, puisque tonton Strigoun mange du papy Brossard. Voilà. Exactement. Donc, celle-là, tu l'as préparée. Ouais. Elle est venue, c'est les éclairs de génie, c'est ça le Ouais, tu l'as préparée depuis 20 minutes. Le haut niveau. Tu l'as préparée depuis 20 non, minutes. Non, non, non, elle vient d'arriver là. Quand tu as parlé de Brossard, je me suis rappelé. Ah, mais c'est vrai que c'est Papy Brossard. Oui, on dit Papy Brossard, oui, c'est vrai, je m'en rappelais plus, tu viens de me le rappeler. Donc ça y est, bah, du coup, il est coupé, hein, avec évidemment toujours le même motif à l'intérieur. Bon, voilà, alors, donc du alors coup, on a... pas trop mal. On a déjà quelques masterclass dans le chat, comme Mickaël qui nous dit « Comme sur Internet, j'accepte les cookies. » ça... Et puis nous avons... C'est juste un contenu commercial. Oui, c'est vrai que du coup là... Alors, on le précise bien évidemment, cette émission n'est sponsorisée par aucune marque. Et vraiment, on aurait bien aimé. Là-dessus, sinon, c'est sponsorisé par aucune marque. Et j'insiste aussi là-dessus, on ne refuse aucun sponsoring de marque. Voilà, si non, à tout hasard, Granola veut sponsoriser le Grand Prix du Japon 2024, le goûter by Granola. Imagine encore mieux. Le goûter by Baby Brosseur, quoi. Sans déconner. Oui, enfin peu importe, n'importe quelle marque. Hein, FIMG Night Fever by Papy Brosseur. Ah oui, même les Pimps, je serais prêt à les bouffer. Sponsorisé par lui. Et puis nous avons notre spécialiste notation de pilote, notre spécialiste parcouration de circuit en vlog et notre spécialiste en amour, monsieur Moyen Aurélien. Bonsoir, comment vas-tu et qu'est-ce que tu nous as concocté aujourd'hui? Bonsoir, bonjour à tous, merci de l'invitation. Ça va très bien, alors je vais aller droit au but, je vais être direct. Je vais parler goûter, hein, parce que c'est évidemment pour ça que je suis là avant tout. Donc, on est sur du gerblé, pomme, amande, saveur, framboise. On pourrait croire que c'est dégueulasse, dit comme ça, mais en fait, c'est vraiment bon. On se surprend à manger 5 d'un coup, vraiment. Et Nutri-Score C aussi. Donc, on n'est bien sûr pas sur quelque chose de particulièrement diététique. Je suis désolé, mais quand tu as une marque qui s'appelle Gerblé, en fait, ça n'a pas envie de... Niveau marketing, c'est pas le mieux au niveau marketing. C'est pas faux, je leur écrirai un de ces quatre. C'est comme s'il y avait une marque qui s'appelait La Cias, tu vois. Tout à fait. Choco-noisette, parce que l'un ne va pas sans l'autre. Alors moi, j'ai l'habitude de commencer par pomme-framboise et ensuite transiter sur choco-noisette, c'est vraiment la valeur sûre. De la cristalline pour arroser tout ça, bien sûr. Et un tuto make-up. Et comme on se fait plaisir. Alors attendez, je fais le focus. Voilà, la petite touche plaisir, j'ai envie de dire, parce que c'est la fête, c'est festif. Ah, le choupa choups. Oh, par pitié, vivement que tu l'aies. Et mon cher Mick, tu nous as pas oui, dit, oui. C'est très gentil, c'est très gentil. Merci pour ce passage de parole. Alors, moi, j'ai pris une direction un peu plus dessert, puisque je voulais un petit peu varier. Alors, je suis parti sur des petits kiri qui se trempent avec des petits bâtonnets. Voilà. Alors, c'est de la vache kiri, techniquement, mais vu que c'est les mêmes fabricants, mais qui changent juste les logos pour être sûr que ça se vende, voilà, je suis parti là-dessus. Et puis, en plus, c'est un modèle Disney. Ouais, c'est Disney, je sais pas, c'est un truc avec des castors. J'en ai un autre, ouais, peut-être, sûrement. Je reconnais, c'est des Z-Duck, donc voilà. J'ai également pris un Babybel. C'est ceux à l'emmental. C'est une petite erreur de ma part parce que j'avais vu des jaunes et je me suis dit, ah, c'est joli, jaune, je prends jaune. Et en fait, c'est à l'emmental et on va dire que je digère mal l'emmental. Mais c'est pas grave, on se fait plaisir. Et puis, pour accompagner tout ça, j'ai pris un petit lait au chocolat aussi, mais vu qu'on est au Japon, je me suis dit, il faut quand même quelque chose de très industriel. Donc voilà, j'ai pris ma petite boisson à boire avec la paille. Alors, c'est la marque premier prix, bien évidemment. Donc, la paille se détruit quand on le met. Mais vous inquiétez pas, il n'y aura aucun problème. Ça ira bien tuer des tortues dans la mer quand je l'aurai terminé. c'est le principal. Hein, donc, non, par voilà. Contre, attends, il y a. Non, elle est en carton. Donc, Ferreira qui vient de sortir une bombe là. J'avais oublié complètement ça. Cirosport, je ne connais pas. Tu connais pas ? Ça rien en quelque non. chose. Non, c'est pas le truc. Le goûter chez mes grands-parents, c'était fabuleux. C'était marqué Sport sur la marque du sirop et tout. Le truc du Leclerc, je crois, un truc comme ça. Ça me dit quelque chose vaguement. Ça ne me dit rien. Là, je pense que la France veut savoir quelle est cette sorcellerie de Cirosport. Le monde veut savoir. Attends, je vais te sortir une photo parce que là. C'était pas que citron ou alors moi j'associe ça à citron, je sais plus. Non, ça, on m'entend ou pas. Miyashira ? Non, il n'est pas dans la liste. Alors, il doit y avoir un bug. Je suis désolé. Merde, Chirac est bugué ? Ouais. Essaye de te déconnecter, reconnecter. Alors, juste avant le live, on se demandait ce qu'il allait nous faire, parce qu'il y a toujours des belles surprises. Ça se trouve, il était là à nous entendre se foutre de sa gueule. On ne le savait pas. mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a toujours des surprises. Alors, Donaki, on va quand même lire ce beau petit message. Coucou à vous tous, des petits choubidous d'amour à la crème fleurette des îles tropicales, saupoudrés de sucre glace sans sucre et sans glace et accompagnés d'un chocolat chaud mais pas réchauffé. Merci beaucoup. Ah, je le vois, il est là. Bonsoir, Chira. Ah, ouais. Bonjour. Est-ce qu'on m'entend cette voix? Oui, ça y est. Oui. Ah, mais ça fait 5 minutes que je parle dans le vide. Quand est-ce que je vais avoir enfin un live normal? Mais on ne veut pas que tu aies un live normal, Chira. Pour le bien de l'émission et des clips qui en découlent, il ne faut pas qu'il y ait un live normal avec toi. Bon, comment vas-tu? Bah, ça va. Oui. J'imagine que vous serez déçu, mais pas de kebab aujourd'hui. Quelle est l'alternative? Quelle est l'alternative? Hier, on a fait des paris avec Tim. J'ai dit, il y a moyen qu'ils nous sortent le kebab au Nutella. Voilà, moi j'étais parti sur un kebab sauce algérienne, la sauce algérienne étant relativement sucrée, et voilà, je me suis dit, il y avait quelque chose, mais du coup, pas de kebab. Ça va, pas de kebab, juste aujourd'hui, ça va être juste un yaourt, c'est propre. Oui, c'est non, mais c'est très respectable, effectivement. C'est classique, c'est assez classique. Moi, j'admets que c'est mon goûter habituel, le petit yaourt mixé. Oh, mais je suis désolé, je reviens, j'ai oublié le plus important. Quoi? Wow. Oula. Wow. Oula. Là, il y a très certainement... Je pense qu'il y aura dans ce live un avant et un après. Là, la façon dont il a eu cette réaction, dont il s'est levé. C'était très dramatique. Hein. Là, ça sent la dinguerie. Hein. J'annonce, ça sent quand même la dinguerie. Hein. Les clippers yaourt, fous, j'imagine. Hein. Oui, clipper, n'hésitez pas. Les clippers fous, là clipper, parce que il va y avoir... C'est le moment, là. C'est le moment de clipper. Hein. Là, l'histoire va être faite. Elle va être écrite devant vos yeux. L'histoire va être écrite. Et maintenant que j'y pense, je me disais bien ce matin, quand je me suis levé, j'ai senti l'air et je me suis dit, c'est un jour spécial. Aujourd'hui, il y a quelque chose de spécial. Et Mick va nous dire de suite de quoi il s'agit. Oui, non, mais c'est vrai que c'était un petit peu mon plan aussi d'en prendre. C'est des petits yaourts à boire. Voilà. Des filotubes. Voilà. Alors, j'ai pris la marque en dessous parce que c'est un euro moins cher, faut pas déconner. Hein, oui. et je suis sûr que ça a le même goût. Donc, voilà. Mais... c'était une pièce très importante, évidemment, que j'ai ramenée aujourd'hui. Voilà, pour le petit tour des goûters copieux des FMG Night Fever, sauf Chira qui reste sobre, mais que nous respectons tout à fait, parce que... Voilà. Sûr. Alors, et ben déjà, on a eu une sacrée semaine riche en informations de tous les côtés. On va revenir dessus, bien évidemment, en temps voulu. Et j'ai envie de commencer par, vu qu'on est un peu sur le sucre, hein, j'en profite pour vous montrer la petite trempette dans le fromage. Tant qu'à faire, hein, le granola. Voilà. Eh bien, ajoutons à tout cela un petit peu de sel, puisque suite aux polémiques de Singapour, la FIA a admis que Max Verstappen aurait quand même mérité une petite pénalité à la suite de ses blocages en qualification. Alors, je rappelle les faits, il est accusé d'avoir gêné Yuki Tsunoda dans son meilleur tour en Q2 et d'avoir un petit peu trop traîné à la sortie des stands. Il n'y a pas eu de sanction. Étrangement, pour l'audition qu'il y a eu entre Tsunoda et Verstappen, Tsunoda a oublié de se présenter à l'audition. C'est pour ça que... ouais, mais gros, pur hasard. Il avait piscine. Voilà. Oui, c'est ça. Ouais. C'est ça. Et du coup, on revient une semaine plus tard et la FIA dit « C'est vrai quand même que les commissaires auraient dû le pénaliser. Tim, en tant que grand journaliste, comment expliques-tu ce favoritisme non dissimulé de la FIA ?» Alors, très objectivement, je trouve que c'est une très mauvaise chose que le règlement qui est écrit noir sur blanc... et qui est au début de l'année où on dit voilà, cette année ce sera ça, et que tout le monde se torche le fion avec tous les week-ends. Donc, en l'occurrence, oui. Voilà, encore ce week-end, ça a été encore fait là ce matin. Qu'est-ce qui s'est passé? Trois pilotes qui ont dépassé le temps maximum en qualif, ouais. Et qui n'ont pas été pénalisés. Ah. Comme ça avait été à Monza, comme voilà. là pour le coup, pour Singapour, c'est encore plus gênant parce que du coup ça, si je dis pas de conneries, ça empêche Tsunoda de faire un vrai temps en Q2 et ça donc le sort des chances de se qualifier pour la Q3 éventuellement. Et qui avait prouvé qu'il pouvait passer en Q3, hein, l'Alpha Tauri marchait bien, il avait fait le meilleur temps en Q1. Donc c'est très chiant. Alors je vois dans le chat, c'est bien qu'ils admettent leurs erreurs. Oui, c'est vrai que c'est bien qu'ils admettent leurs erreurs. Maintenant, ce serait bien qu'il n'y ait pas d'erreurs tout court. Je sais pas si ça permet d'ouvrir le débat. Hein. Peut-être que non. Mais pour moi, ça impose de la réflexion sur cette réflexion qu'on a très souvent, alors que ce soit ici ou le monde du sport auto en général, à dire en F1, pourquoi on n'a pas des putains de commissaires permanent, commissaire sportif, je parle, hein, après en piste c'est autre chose, mais les commissaires sportifs, pourquoi on n'a pas en permanence un collège de commissaires qui ne bouge pas pour que le règlement soit vraiment connu, qu'ils connaissent éventuellement les subtilités, les dérives qu'il peut avoir, etc. Et surtout qu'ils soient constants dans l'application et que si un jour on a un collège de commissaires qui dit ok, nous cette année on va être Let's Em Race. Et ben dans ce cas-là, on est au courant que toute l'année, ça va être relativement open. Au contraire, si le collège, dès le début de l'année, dit on serre la vis, et ben toute l'année, on sait que ça va être très strict. Mais au moins, il y aura une cohérence. Est-ce que là, on n'a pas ? Est-ce qu'on a très rarement ? Et ce qui, du coup, fait que ben voilà, on fait des erreurs qui pénalisent des pilotes, qui changent forcément la physionomie d'un week-end. Alors que ce soit gros ou pas, ça change forcément la physionomie d'un week-end. Et après, on vient dire, oui, bon, bah, c'est vrai que, pardon, on a fait une connerie. Alors là, ça tombe sur Verstappen. Ça peut tomber sur n'importe qui d'autre. La question n'est pas que ce soit sur Verstappen ou sur un autre pilote. C'est l'acte en lui-même qui devrait pas arriver, tout simplement. Qu'il y ait une erreur, il y a une erreur. Mais bon, je sais pas si ça va arriver, en fait. C'est trop souvent pour des choses. Et surtout qu'il a été sous enquête. Et c'est pas il a pas été sous enquête et il s'est rien passé et puis après on a dit ah oui putain c'est vrai qu'il y a eu ça, il a été sous enquête, ils ont vu les images et ils se sont dit bon non, et après ils se sont dit ouais, en fait si. C'est très con, je trouve. Non mais c'est hallucinant parce qu'en fait je pense qu'il y a des courses, alors peut-être que Jules me dira le contraire ou pas, je parle du circuit, quand il fait pas mal de courses de karting et tout ça, je pense qu'il y a même, il doit voir des choses. Et je suis persuadé qu'il dirait qu'il y a certaines courses de karting qui sont bien plus pro que des courses de, enfin, que le commissaire de piste des courses de F1 actuellement. Quoi. Enfin, c'est hallucinant, quoi. Au niveau des pénalités, c'est yo-yo. Et j'aurais rajouté un petit détail qui m'a fait sourire, c'est que c'est Sainz qui est venu se plaindre que on n'a pas pénalisé Verstappen ce matin. Je largue juste l'information. Oh, the irony can be pretty ironic. Oh là là, c'est... ouais. Mais oui, non, mais après, en soi, je comprends tout à fait. Je salue Monsieur Zou qui est avec nous dans le chat. J'ai envoyé le petit lien d'invitation sur Twitter tout à l'heure parce que je me suis dit, mince, j'ai oublié de lui envoyer le lien et de lui dire. Mais vu que je sais qu'il travaille beaucoup, beaucoup, je ne voulais pas insister. Mais il nous dit, le règlement FIA est écrit sur des cartes ou non. On n'en est pas loin. Moi, je dirais que ceux qui écrivent le règlement, ils en ont un peu fictif. Ils sont juste là pour écrire quelque chose, mais ça ne sera jamais respecté. Mylène, elle a renchéri en disant que même le règlement du Uno est mieux respecté que le règlement de la FIA. Débat parallèle sur les plus 4, les plus 2, sur tout ce qui se passe et les problèmes et les tensions que ça crée. Hein non, il y a un vrai débat sur les plus 2, les plus 4. Il y a un vrai débat sur le Uno, ouais. Ça a créé des tensions personnelles dans la famille. Voilà, depuis, je ne parle plus à mes parents, on a un très mauvais terme. Donc, le mec voilà, il a réglé ses comptes au FIA pendant le goûter à propos du Uno. sujet très sérieux, si on pouvait rester sur les goûters et la Formule 1, merci. Non, bien sûr, je respecte. Je respecte tout à fait. Ah oui, Gazou, il soulève un bon point, par contre. À propos oui, il fait ça des fois. Permanent, il dit qu'en fait, ils sont planqués à Lausanne. Le fameux bureau virtuel. Oui, la VAR. Oui. La VAR, ouais. Attends, voilà. Je vais quand même l'afficher pour ceux qui ne l'auraient pas vu dans le chat, mais voilà. Ouais. Donc, bon, en mettant ça de côté, de mon côté, je pense que, enfin, je rejoins un peu Tim sur effectivement l'aspect régularité des sanctions, mais je pense qu'il faut vraiment remettre totalement au goût du jour les sanctions ou pas hein, qu'on a en qualification, parce que ça arrive presque tous les week-ends. Dès l'instant qu'on est sur un tracé urbain, c'est réglé, il y aura des problèmes. Quand on va sur un tracé un peu court comme Zandvoort ou les Pays-Bas, on a toujours ces problèmes. Donc, je pense qu'il nous faut vraiment revoir de base peut-être le concept même de la manière dont la qualif est gérée. Il y a même Alonso qui disait que ce format était devenu obsolète puisqu'il n'y avait pas autant de compétitions qu'avant. Bon, je ne suis pas tout à fait d'accord. Mais je me dis qu'il n'a pas totalement tort sur certains points qu'il soulève. Voilà, allez-y les enfants. Pourquoi vous rigolez ? Oh, tu veux vraiment savoir où ? Ah, vous êtes encore en train de vous disputer ? Ah non, pas du tout. Pas du tout. Non, il y a juste un message dans le chat qui nous a un peu, entre guillemets, on va dire, intrigué, n'est-ce pas ? Oui, je pense. Oui. Mais parce que du coup, heureusement que j'ai ma casquette, on va dire. Ah, parce que du coup, on ne saurait pas lequel des deux il parle. On parle de capillarité, je vois. D'accord. Oui, voilà, c'est apparemment, il y a des... Ah. Voilà. J'ai gardé ma casquette, du coup. Hein, c'est... Je le laisse, Aurélien. Les MP sont ouverts, bien entendu. Sinon, pour parler de problèmes beaucoup plus sérieux, il y a des disputes chez Alpine et entre les pilotes, comme quoi, effectivement, frérot, mais pas trop. En effet, il semble que les pilotes se battent à qui a la plus grande. Et effectivement, c'est un problème pour Pierre Gasly, puisque c'est bel et bien Esteban Ocon qui a la plus grande taille des deux, avec 9 cm de plus, ce qui impacte naturellement la taille du châssis de l'Alpine et du cockpit. Voilà, plus une voiture est longue, généralement, moins c'est bénéfique et les ingénieurs aiment peut-être pas trop ça. Et selon Gasly, on pourrait faire des gains si on venait un peu à réduire la taille du cockpit et tout ça. Mais Esteban Ocon est là et voilà, c'est vraiment une guerre d'ego qui s'est lancée entre les deux. Je cite une traduction que j'ai récupérée sur motorsport.com. C'est un peu comme si on allait dans la même direction, à part les très grands bras qu'il a. Esteban aurait de longs bras. Je demande un cockpit plus étroit pour des raisons évidentes de gain de performance et il n'est pas très enthousiaste car il est apparemment très... Mais voilà, on en vient à peu près à ces soucis-là. Et, on l'appelle le Slenderman dans le milieu. Oui, effectivement, on l'appelle le Slenderman, Ocon. Il a les bras qui touchent un peu le sol. Et on a donc effectivement un début de conflit qu'on attendait tant chez Alpine et qu'on relève. Je sais pas, j'essaye de voir, de tirer tout ce qu'on peut parce qu'il semble que les deux s'entendent finalement très bien en interne. Ils ont même fait de la peinture ensemble. Et oui, il y a des photos où on les voit peindre ensemble. Ils sont. Arrête, t'es bête, un an pas sur le nez. Enfin, ils étaient. Oh, gazou. Non, on peut pas. Aïe. C'est comme s'il était là. Pourquoi de si longs bras, elle est si basse que ça, point d'interrogation. Il parle sûrement de la table. La table basse. Oui. Ou de la voiture, tout simplement. Non. Plus sérieusement, c'est un peu une difficulté, certes. Et ça souligne aussi que, du côté un peu des conflits qui étaient prévus chez Alpine, étrangement, depuis qu'il n'y a plus les parents dans les garages, tout se passe bien déjà. Enfin, c'était une des conditions d'Alpine, c'est que les parents sont autorisés sur un nombre limité de Grands Prix et jamais ensemble. Pour revenir un peu à la performance, c'est assez bon présage que la voiture soit bonne en soi, je trouve. À Zandvoort, elle était bien à Singapour, des tracés qui demandent quand même une certaine agilité. Je pense que le problème quand même global de la voiture reste au niveau de la vitesse de pointe, de l'unité de puissance. Enfin, à Monza, il n'y avait vraiment pas photo. C'est le pire moteur, le moteur Alpine, en termes de vitesse de pointe, je crois. Et même d'enfiabilité, de ce que j'ai compris. Oui, en tout. Après, c'est le pire moteur. Ils ont sacrifié la fiabilité en faveur de la performance cette année. Donc, c'est pour ça que... Il n'y a pas une bonne fiabilité, c'est que la performance est mise en avant. Performance ne va pas trop, du coup. Du coup, c'est raté. On ne voit pas la performance non plus, mais... Non, après, peut-être qu'ils lèvent volontairement le pied pour, parce que, vous savez, ils essayent de faire augmenter leurs chevaux, je ne sais pas trop quoi, mais... plus exactement, j'ai oublié quel était le nœud du problème et ils cherchent à avoir des... Moi, je ne sais pas du tout. Je crois qu'ils voulaient demander alors, soit que eux, leur moteur puisse être boosté, les autres puissent être un poil bridé, mais je pense plus que c'est le premier où ils veulent booster leur moteur. Ouais, c'est ça. Parce qu'actuellement, je crois, depuis cette année ou l'an dernier, les moteurs sont gelés. Depuis l'an dernier, absolument. Ouais, et du coup, jusqu'en 2026, théoriquement, ils auraient le pire moteur. Et ça les emmerde. Et du coup, ils auraient demandé à pouvoir avoir nivellement des performances. Pour être un minimum dans la lutte, quoi. Ouais, c'est ça. Et du coup, ma théorie étant peut-être qu'ils forcent un petit peu le côté on galère pour faire passer la pilule et du moins que les autres équipes acceptent plus volontiers de leur accorder les concessions. Après, c'est clair que le moteur Alpine, c'est pas le meilleur, mais est-ce qu'il est nul à ce point, ça, je sais pas. Vous voyez. Mercedes sont pas très ravis non plus de leur moteur, de ce que j'en sais. Sur le McLaren, il a pas l'air trop dégueulasse, hein. La Williams, c'est très souvent l'une des voitures les plus rapides aussi en vitesse de pointe. Ouais. Est-ce que le moteur qui marche pas et les châssis Williams et McLaren qui sont optimisés ou c'est l'inverse, quoi? De toute façon, le moteur fait pas tout, hein. Tu peux avoir un moteur très efficace, mais si l'optimisation aéro est pas ouf, ça changera pas grand-chose. Hein. La Williams faisait P20 alors que les Mercedes roulaient sur la concurrence en 2019-2020. Ça ne fait pas tout. Et d'ailleurs, autre point par rapport au cockpit, c'est intéressant parce que Hamilton disait la même chose il y a, je crois, quelques mois en plus. Comme quoi, justement, il avait des galères avec sa Mercedes parce que le cockpit était beaucoup trop avancé pour justement favoriser la grande taille de George Russell. J'ai vu passer là dans la semaine une vidéo, je veux pas dire de conneries, c'est peut-être avec Sky. C'est une vidéo toute con où il présente l'équipement d'un pilote de Formule 1. Et il dit, pour le coup, un truc intéressant, il dit que régulièrement, il demande à Mercedes de modifier la façon dont autour du cockpit les éléments sont positionnés pour réduire au maximum la chaleur parce que lui en tout cas apparemment il est relativement sensible à ça et entre la batterie je crois qui est juste derrière eux, les radiateurs sur les côtés, les tubes qui passent partout, c'est une fournaise et il demande très régulièrement à ce que Mercedes trouve des solutions ou réfléchisse en tout cas à comment agencer ces pièces mécaniques pour que ce soit plus agréable pour le pilote. C'était juste la petite intervention sur ce sujet. Eh bien, merci. C'était Shira. Qu'est-ce qui se passe? On a entendu à balle. L'emballage du diamant. Tu as cassé un emballage ou quelque chose comme ça, non? Non, c'était une feuille de papier. Ah oui, bon. Ah oui, mais c'est vrai que ça y ressemble plus. Ça s'est entendu? Oui. Ouais. Juste un peu. Désolé. Bon, on va rester un peu sur ce qu'on disait aussi la semaine dernière. On parlait d'écologie. Ouais, on fait ça des fois. Et il y a un article sur un grand média francophone qui a paru. Apparu. Il n'était pas là, il est apparu. C'est sur un site qui s'appelle francera5.fr d'un certain Gaël A. La F1 avec les camions DHL a réduit ses émissions de carbone de 83%. Moi, j'ai une solution encore plus simple pour réduire les émissions de carbone, réduisez le nombre de grands prix. Oui, mais alors, Shira, ça rapporte pas d'argent de faire que 15 grands prix dans l'année. Alors que si tu en as 350, parfait. Voilà. Carbone neutre, mais il faut quand même de l'argent. À un moment donné, ah oui. Oh. T'auras qu'à planter 350 fois plus d'arbres, c'est tout. C'est simple la compensation carbone. C'est si ça. 350 fois plus de ruches visiblement, puisque. Alors là, j'admets que c'est pas mon domaine de prédilection, mais il est question du carburant employé qui est un HVO100, qui est de l'huile végétale hydro-traitée. Donc voilà, pour ceux qui sont intéressés par ce genre d'informations, bah voilà, je trouve ça que puisqu'on se dirige clairement vers visiblement ce qui semble être des biocarburants pour 2026 et dans cette direction-là, on prend déjà un peu le pas sur l'organisation, enfin les déplacements des transports, tout ça. Et puis voilà, et puis on attend toujours. C'est peut-être mon côté un peu vieille école, je l'admets, mais le retour des bateaux à voile pour tout ce qui est transport outre-mer. Malheureusement, il semble que rien ne sera fait. Excuse-moi, j'aimerais juste, parce que c'est drôle ce que tu dis, parce qu'en fait, il y a vraiment des projets. C'est souvent drôle. De bateaux pour donc des transporteurs de conteneurs. Oui, ils commencent à mettre des kites dessus. Donc, comme il y a le kitesurf, ils vont mettre des kites sur les bateaux pour qu'ils soient tractés un peu plus par le vent. Et il y a des mecs qui ont dit en fait, ça existait il y a déjà 500 ans, ça s'appelle le bateau à voile. Donc, si tu veux retransporter en fait, des conteneurs, tu reprends des bonnes vieilles voiles comme avant et puis c'est reparti. Quoi. Enfin, t'as rien inventé, mec, mais voilà, c'est assez intéressant. Tellement alors, après, pour d'avoir des caravelles DHL, ce serait, extraordinaire. Alors après, pour leur défense de ces bateaux-là à kite, des fois, c'est pas que pour tracter le bateau, c'est aussi pour générer de l'électricité. Et en fait, normalement, le kite, en faisant des petits 8 en l'air comme ça, il traîne... Il fait tourner une petite génératrice et c'est cette génératrice qui permettrait d'alimenter les moteurs électriques des bateaux. C'est comme ça qu'apparemment ils veulent faire en sorte de justement d'avoir, on va dire, des cargos électriques à moindre mesure. Quoi. Mais, ouais, parce que actuellement les moteurs électriques des bateaux qui sont alimentés au mazout, bon, c'est pas ouf. Quoi. Bah c'est ça le problème, c'est qu'en fait ils disent ouais on a un bateau électrique, mais en fait derrière oui voilà comme tu dis Shira, c'est que derrière en fait ce qu'il y a c'est des gros groupes électrogènes diesel qui alimentent ça, donc c'est comme d'habitude hein, de toute façon hein, c'est toujours le même problème, c'est déplacer le problème, voilà, donc bring back the gros voilier puis point barre quoi. Bring back fucking voilier. Ah oui. Et pour rester sur une petite note d'humour, il y a eu un drame ce week. Oh, pardon. Petite note d'humour, drame. Mais voilà, pour rester sur une petite note d'humour, il y a eu un drame ce week-end. Alors, je vais quand même vous le présenter en photo parce que je sais que vous savez que c'est. On a été privé d'une œuvre d'art ce week-end à cause de la FIA. Voilà le magnifique casque de Lewis Hamilton. Il semblerait que le super casque de Lewis en collaboration avec l'artiste japonais Hajime Sarayama, Sorayama, est réellement cette barre jaune lumineuse au niveau des yeux du pilote et qu'elle ne disparaîtra pas lorsqu'il sera en piste, à prendre au conditionnel évidemment. Si c'est le cas, on est sur le casque du siècle, mais visiblement ça n'a pas été homologué. Ah, Tim, on se demande pourquoi. Oui, oui, Mick. Je suis sûr que tu aimerais te prononcer. Eh bien, écoute, je pense qu'il n'y a pas d'âge ou de niveau de notoriété, que ce soit sur Twitter, sur Internet ou dans la vie, pour comprendre le concept d'une présentation via un shooting photo. Je suis à peu près persuadé que en piste, on ne voit pas non plus toutes les LED qui sont derrière Lewis Hamilton pour présenter le casque. Je suis à peu près persuadé non plus qu'on ne voit pas la table sur laquelle est posé le casque. comme je suis à peu près persuadé que on ne voit pas la housse qui est autour du casque de tous les pilotes. Alors c'est très con dit comme ça, mais c'est juste que c'est pour les photos, pour que ça pète. C'est évident que ça allait pas être homologué. Ouais. Ou alors, même... pour le coup, si ça avait été homologué, j'aurais rejoint la team casque du siècle. Je l'avoue, j'aurais trouvé ça extraordinaire. Mais c'est juste, ça paraît évident que ce soit pas homologué. Alors déjà pour la visibilité, mais même pour les autres, d'avoir ce truc là comme ça pour les autres pilotes et tout. Enfin, c'est évident et. Non, il suffit pour le coup j'ai un très fort attrait à tout ce qui est artistique etc. Il suffit de faire trois clics, de se renseigner en trois clics et encore trois clics je tape large pour comprendre que c'est fait en partenariat avec un artiste, que l'univers de l'artiste c'est tout ce qui est robotique, tout ce qui est chromé, etc. Et que pour donner justement cet aspect robotique au casque comme le voulait Lewis Hamilton, et ben il a rajouté cette bande LED là, quoi. Et juste, alors, je pense qu'il ne faut pas non plus avoir fait beaucoup d'expérience dans le monde de la photographie pour savoir qu'un élément qui projette, enfin qui émet de la lumière, se voit presque pas à la lumière du jour. Puisque Grand Prix du Japon est en plein jour, et que si vous mettez ça à la lumière du jour, ça ressortira pas, en fait. À Singapour, ça aurait été très stylé, mais là, au Japon, en plein jour, à moins qu'il pleuve, tu vois, ça ressort pas. Non, en vrai, ça aurait pu être stylé, mais il y a plein de problèmes, même au-delà du... Non, et puis enfin même c'est comment ça a été présenté, ça se voit à 10 000 que c'est un objet d'art. C'est comme Grand Prix de Monaco 2022, je crois, quand du coup Hamilton fait une collaboration avec David Archam, si je ne dis pas de bêtises, où il a un casque en améthyste. Le casque qu'il porte en qualif et en course, c'est juste un casque normal peint. C'est juste de la peinture. Mais à côté, il y a eu un vrai casque qui a été vraiment fait en améthyste. Et sur le casque peint, les creux qui sont représentés existent vraiment sur l'objet d'art qui a été créé. Mais c'est évident qu'il n'allait pas avoir ce casque-là avec cette pierre précieuse-là parce que ça n'est juste pas homologué. Et là, c'est exactement la même chose. C'est pas la première fois en plus que Lewis Hamilton fait des collaborations avec des artistes pour ses casques. Et c'est pas la première fois qu'il y a ce genre d'objets d'art qui sont présentés, et que ce soit pour des casques, pour Hamilton, pour d'autres pilotes, pour des livrées, pour plein de trucs, où tu as un objet d'art qui est présenté, et ensuite en piste, c'est autre chose. On l'a vu là, il y a quelques semaines, voire mois, Alfa Romeo avec la livrée qu'ils avaient à Zandvoort. Il y a eu une livrée objet d'art qui a été présentée, qui est en exemplaire unique, fait par l'artiste, etc. Et il y a eu la livrée qui représentait un petit peu ça. sur le Grand Prix. Et merci dans la correction de la correction dans le chat, la métisse qui n'est pas une pierre précieuse, un minéral. Je ne suis pas géologue, mais ça se voit. Je suis désolé, mais entre une pierre et un caillou. Voilà. Comment ça, c'est pas comme ça que ça marche. Alors, très bonne question de Mr. Pink. Pour vous, qui est le plus BG des présentateurs? Et la réponse qu'il suggère étant Aurélien underscore A2T. Je rejoins. Bah écoutez, je vais venir plus souvent si réservé. Merci. Non, Mr. Pink, on se connaît. Ça part en DM de toute manière après le live. Donc, Là, les DM vont ça va fuser. Hein, j'ai le téléphone qui surchauffe là, depuis là. Je suis passé de 15 à 17 followers. Donc, Bon. Merci Ludo qui célèbre ses 11 mois de membership. Vous pensez que la domination de Red Bull, c'est fini et désormais ça explose? T'inquiète pas, je la garde de côté, celle-là, Ludo. Je la garde de côté. Ouais, tu peux la garder de côté. Ouais. Merci aussi, j'ai raté à Trib qui fête son 16e d'abonnement sur le Prime. Merci beaucoup. Et puis ensuite, on va bien sûr garder la suite des questions pour la dièse FUC. Qui est bien évidemment géré par notre chatfucker, Tonton Strigone, juste là, qui gère vos foires ultra questionnées dans le chat. Où vais-je? On va faire un petit break publicitaire, si vous le voulez bien. Vous le voulez? Super. De toute façon, vous n'avez pas le choix. C'est le moment de préparer la petite roue qui fait des bonheurs, qui fait des heureux. Et oui. Si je la retrouve, elle est juste là. C'est la petite pause pour télécadeau. Télécadeau pour s'en mettre plein les euros. Formule BlaBlaCorp Limited te propose de gagner des lots incroyables en rapport avec la Formule 1. Participe au tirage au sort pour peut-être gagner un lot de la catégorie 1. Un body pour bébé entre 12 et 18 mois, une casquette spéciale du Grand Prix de Miami, un pyjama officiel Formule 1 en taille L, le t-shirt officiel du Grand Prix de Miami en taille L, un masque sanitaire Kimi Raikkonen et plein de jeux vidéo de Formule 1 comme le célèbre F105 en portugais avec Thiago Monteiro sur la couverture. Je veux le pyjama F1, mec. Pyjama. Pas d'avance. Non. Ah merde. Alors ils sont juste là. Les cadeaux sont prêts à être envoyés. C'est juste qu'il faut que j'aille au bureau de poste. Ce qu'on a été gagné, je sais, j'ai grave du retard. Je suis vraiment désolé. Mais bon. Eh bien, on va sélectionner un vainqueur, un élu, parmi tous ceux qui ont postulé pour participer à Télécadeau. Si j'arrive à partager. Voilà. Hop. Voilà ça. Le son comme il son. La docteur. Sur la tête, ça marche pas. Regarde, oh, l'interrogation. Oh non, l'enfer. Pourquoi ça partage le son? Oh, attends. Oh là là. Maximus 7762. D'habitude, ça partage pas le son. Bah oui. On va t'envoyer un email situé par là. Attends, je trouve pas. Si, c'est... Ah, tu gères Strig? Ouais, j'ai trouvé. Bah, j'ai retrouvé le... Formidable. Les oreilles. Comment ça se fait? Le Excel qu'on avait. Enfin, c'est même pas le même. Pour le grand... hein? Oui, c'est oui, toujours le même. Ouais. Non, je posais la question à Tim, excuse-moi. Mais... ouais, ok, d'accord. J'aurai jamais autant de retard qu'à l'aide. Ah ben, il est juste là dans le chat, c'est parfait. Oh, formidable. Je t'envoie le lien. Et bah, en parlant de lien, on va enchaîner avec notre prochaine actu que Ludo voulait tant nous partager. Est-ce que j'arrive à l'ouvrir ? Oui, c'est parfait. C'était une grande question en arrivant ce week-end. Will Red Bull bounce back to their best in Japan or can a rival team cause another upset? C'est non, pas mais... Alors, c'est... bien évidemment, on est après la qualif et la pole par 5 dixièmes de Verstappen, mais vas-y, Shira. On n'a pas plus non, le climat, hein, par contre. Hein, Juste, Singapour, la semaine dernière, ça a été encore un superbe exemple de la culture de l'instant qu'on a en permanence. Enfin, il y a eu une seule course sur une série de 15 où ça se passe mal. Et là, d'un coup, ah, ça y est, c'est la fin de Red Bull. Alors, les gars, ils peuvent pas se permettre d'avoir un week-end off. Et ouais, Red Bull qui a d'ailleurs, Max qui a d'ailleurs répondu après la qualif en invitant les gens qui présumaient que ça allait être la fin de leur règne d'aller croquer un œuf. C'est très joliment dit. Ouais, bon, c'était. J'ai été surpris vraiment. Vache. Comme quoi, il y a même des scooters à Toulouse. J'ai été très surpris d'apprendre que c'était même ne serait-ce qu'un sujet de discussion de remettre en question le fait que Red Bull allait quand même tracer le reste de la saison parce que je sais pas, c'est l'exception quoi. C'était. Non, mais c'est les réseaux sociaux. Il y a la directive qui tombe pile au moment où Red Bull a un peu une banne. Donc, d'un coup, les théoriciens du complot ont commencé à dire « Ah, ça y est, en fait, c'était de la triche, ils ont des ailerons flexibles. » Et ben là, une semaine plus tard, Paul Parcé, dixième. Ce qu'on appelle avoir calmé les gens. Voilà, à peu près ça, c'est à peu près ça, hein, c'est exactement ce que j'ai pensé. Il est parti voilà, là. C'est... un petit nom, je suis parti, c'est bon, hein, voilà. Et ils font plaisir, les gens dehors, là. Ouais, il fait beau, c'est 4h et 5h bientôt. Notez, chers amis, comme en Toulouse, c'est une ville calme et sereine et paisible, surtout. Des launch control, des klaxons, des motos. Tout va bien. T'inquiète, j'ai les mêmes ici. Hein. J'ai les mêmes à la maison. C'est formidable, on a les effets sonores. Ouais, ça met dans le thème. C'est dynamique. Je crois que c'est la première fois qu'on a un télécadeau qui va se faire si vite. Oui, on l'espère. Vas-y, bah Stream, oui, je te laisse. Ajoute. Ouais. Voilà. Bonsoir, Maximus. Est-ce qu'il nous entend ? Est-ce qu'on peut t'entendre déjà ? Oh. Merde. Ouais, donc la prochaine fois, Stream, tu fermes ta gueule. Ouais. Quel enfer! Mais putain, mes melons, c'est vraiment une horreur. Après, ouais, c'est vrai que si, je sais pas si t'es sur ordinateur ou téléphone. Voilà. Est-ce qu'il est sur Chrome? Attends, je m'occupe de ça. Ouais. Il faudrait petit pense-bête. Le chat, ne faites pas attention, on est en réunion FNF. Ouais. Oui, voilà, absolument. Dans le mail qui est envoyé au vainqueur, préciser justement de bien cocher les cases, d'être sur le bon navigateur, d'être sur ordinateur, etc. etc. Ouais, je suis désolé, Tim, ça strict comme tu pensais. Oui, non, mais je suis tout à fait d'accord. Mais va te faire foutre, toi, là-haut! Non, mais t'as vu, on peut pas parler avec lui. Hein. Tu sais, j'ai appris ça dans mon métier, le management, c'est quelque chose de très important. Et j'ai dit, il faudrait, on, nanana, mais c'est visé, oui. Hein, Mick. C'est visé, oui, c'est vrai qu'il faut qu'on pense à bien lire les questions du chat et qu'on pense bien à leur dire quand on leur envoie les messages. Voilà, exactement. Maximus, c'est sur ordi, putain. Sur ordi, sur Chrome. Voilà. Ouais. Ouais, il a tout ouais, bah, après, c'est il une a question tout d'autorisation du. Désolé, Charles, j'ai coupé ton micro, mais je pense que en termes de contenu audio additionnel, c'était peut-être compliqué. Moi, j'étais. Je pense pour résoudre le problème qu'on a vis-à-vis de la culture de l'instant, c'est déjà de surveiller ce qu'on regarde sur l'Internet, les comptes que l'on suit. Parce que moi, j'ai été assez épargné par ces choses assez absurdes. Non, il est parti. Ah, il y a, ouais. La tuile. Il viendra après. Du côté de Red Bull, visiblement, ça venait d'un problème. Ils ont testé une nouvelle pièce le vendredi et ils ont un peu galéré à trouver les bons réglages. Et ensuite, faut pas oublier que on était sur une version un peu différente du tracé, où il y avait moins de sections techniques et lentes, et une bonne ligne droite en plus. Donc c'était un petit peu à leur désavantage, je pense, si ils partaient des réglages de la saison précédente. Goon. La première chose, c'est que, alors d'après ce qu'avait expliqué un petit peu, j'avais écouté le Grand Prix sur Canal, et il parlait aussi qu'apparemment ils avaient commencé avec une garde au sol assez élevée au départ, et qu'arrivé au moment du samedi où il fallait commencer à baisser la garde au sol, il l'avait baissé un peu, mais pas suffisamment encore. Et donc après, tu as le parc fermé qui arrive, donc tu peux plus toucher au réglage de la voiture. Notamment justement la garde au sol, tu n'as plus le droit que de toucher aux ailerons. À l'aileron avant, seulement l'aileron avant déjà, ouais. Je crois. Et peut-être la pression des pneus, mais je ne suis pas sûr de ce que je dis là. Je ne sais plus s'ils ont le droit de toucher encore la pression des pneus ou pas. C'est pas Pirelli qui impose justement une pression de pneus ? C'est pas impossible. C'est pas impossible que Pirelli demande à imposer la pression des pneus. Mais je me rappelle plus, c'est pour ça que je ne veux pas dire de conneries. En tout cas, ça va être une toute petite partie des réglages. Et parmi ces réglages, il y a l'aileron avant, c'est tout. Et puis éventuellement, le réglage du différentiel, je crois, quelque chose comme ça. Et pour info, c'était exactement la même erreur de réglage qu'ils avaient fait à Interlagos l'an dernier. C'était une question de hauteur de caisse, de garde au sol. La garde au sol qui fait que du coup, la voiture est beaucoup plus déséquilibrée. Il y a moins d'effet de sol qui est pris en compte. Généré. Et du coup, qui est généré, merci. Et donc, c'est ce qu'on voyait, hein, la voiture dans les virages, elle était un peu en mode savonnette, elle avait tendance à vachement survirer. Et donc, ils avaient commencé à résoudre un peu le problème en qualif, mais le problème, c'est qu'en qualif, c'était déjà trop tard, quoi. Il aurait fallu encore baisser encore un peu la garde au sol, mais ils n'ont pas eu le temps de le faire, ni l'autorisation, en fait. Bien. Voilà, Maximus. Non. Bon, tant pis. On va quand même juste faire tourner la petite roue. Tu peux communiquer dans le chat privé. S'il voit le chat privé, toi. Il doit le voir. Hein. On m'entend pas. Est-ce que tu as choisi le bon micro aussi ? C'est ça la question, Maximus. On va faire tourner la roue du cadeau, la roue de la joie. De la joie, on verra. J'espère que, de toute façon, c'est que des belles choses qu'on vous fait gagner, que des très très belles choses, des choses qu'on ne vous fera pas gagner ailleurs. Hein. Surtout pas Racing Café, par exemple. Oh là, c'est chez Serrada. Non, non. Certainement pas. J'en ai parlé. Live de rien. J'en ai parlé à Michael. Il a dit, moi, offrir des trucs aux gens. Ah, c'est quand même mieux quand on a pas de bruit. Hein. Oui. C'est dommage parce qu'à la base, on se disait que ça allait être très drôle, mais en fait, c'est juste insupportable. Absolument. Oh là là, beaucoup de suspense. Alors que pour info, Maximus souhaitait gagner le porte-clés Van Dorn qui était malheureusement au tour précédent. Et qui n'était plus à gagner du coup. Eh bien, tu remportes un masque en tissu Kimi Raikkonen pour ton prochain rendez-vous chez le docteur ou pour simplement aller en soirée voir tes amis. Tu pourras porter, puisque maintenant, voilà, c'est plus du tout d'actualité de porter des masques. Ils sont en réduction sur le site de l'AF1. Dans le chat privé, il a mis pour la prochaine pandémie. Oh, quel dommage qu'il n'ait pas son micro, putain. Ah, ça fait chier. Très bien. Bon, on reviendra vers toi pour récupérer tes coordonnées. Sinon, on répond directement au mail de Strigoon. Tu lui mets ton nom, ton adresse, ton pays. J'espère que tu es en France pour pas qu'on ait à payer les frais d'expatriation. La douane, ouais, c'est ça. Ouais. Sinon, si tu es à l'étranger, tu nous joins ton RIB et on te fera passer les frais d'envoi. Hein, oui, bien sûr. Parce que c'est hors de question. Ça va, en France. Ça va. Ouf. Non, le jour où c'est un Canadien qui gagne, je vous jure que je pète un câble. Surtout si c'est un truc, un cadeau un peu lourd, tu vois. Parce qu'on a, on a des cadeaux qui vont peser un petit peu après. Et là, ça va être insupportable. Attends, ça va être dur. Tu sais, le truc, on l'aura payé 7 euros, on va avoir 45 euros de frais de douane et d'expédition. Bon. Bah, merci Maximus de ta participation, de ton écoute et surtout de ton humilité vocale. Hein, tu n'as pas cherché à t'imposer et on respecte ce choix. Et on te dit à très bientôt et à tout de suite dans le chat. Merci beaucoup. Bisous. Allez, dégage. Ah, c'est bon, ça marche. bon. Bâtard, putain. Oui. Mais je sais même plus. Imagine un jour on doit envoyer une moustache Nigel Mansell au Canada. Non, ça va, elle a été gagnée, ça part en France. D'ailleurs, il est juste là, hein, dans le petit sachet. Il est juste parti, C'est pas de ma faute si les bureaux de poste sont ouverts aux horaires où tout le monde bosse. S'ils ouvraient les dimanches, s'ils fermaient à 22h, on pourrait y aller. Voilà. Moi, mes petits yaourts à boire, je n'ai pas été les acheter à 16h30. Hein, j'ai été les acheter à 21h. Enfin, 19h30, 20h, voilà. Et, voilà, la poste, c'est pas moi qui vais aller vous acheter des yaourts à boire, hein, si vous restez fermé aussitôt. D'ailleurs, oui, effectivement, pour information, le petit lait chocolaté, c'était une assez mauvaise idée avec le fromage. Tu m'étonnes. Donc voilà, je pars sur un petit classique verre d'eau. Voilà, je me désaltère. Voilà. C'était pas une bonne idée. Il manque plus que le dentifrice au milieu pour rincer tout ça. Mais Mick, tu bosses pas, t'es youtubeur. Si j'étais un vrai youtubeur, je bosserais pas. Oui. Je sortirais 2-3 vidéos par semaine, je ferais des placements de produits et tout, mais... La belle vie. Voilà. Un jour peut-être, quand j'aurai plus de vrai travail, je me rabattrai là-dessus. Peut-être. Enfin bon. Oui, la suite, du coup, bah, on a eu d'autres grosses révélations, dont une qui est tombée cette nuit. Je me rappelle, j'étais là, c'était 3h du mat, en pleine discussion avec Ludo lorsqu'il a balancé NON ! Alpha Tauri, je vous déteste, monstre de merde ! J'ai fait, oula, qu'est-ce qui se passe ? Bon, Tsunoda et Ricardo ont été confirmés pour 2024, du coup. Réaction un peu excessive de sa part, si je peux dénoncer. Oui. Mais sinon, je ne suis pas du tout surpris par ce choix, à titre personnel, puisque Yuki Tsunoda, de son côté, je trouve qu'il fait un très bon boulot depuis cette année, et même l'an dernier, je pense qu'il avait fait de belles prestations, il avait eu beaucoup de malchance quand il avait des opportunités. Et là, on se retrouve avec une quatrième saison pour lui. Je pense que c'est pas volé à l'heure actuelle. On rappelle qu'il est quand même très jeune, hein, Tsunoda. Ça va être... il a 23 ans, là, je crois, si je dis pas de bêtises. Ouais, il est né en 2000, donc 23 ans. Il reste très jeune et en termes d'expérience, il reste aussi très jeune de ce côté-là. C'est aussi quelque chose à prendre en compte. Et Ricardo, bon, il n'est pas très jeune. Il a beaucoup d'expérience et ce n'est pas spécialement intéressant pour l'équipe. Mais on attend quand même qu'on cherche à vendre l'équipe. Je pense que c'est une des raisons. Et quand même, il faut aussi admettre que Ricardo, je plaisantais à l'instant en parlant de son expérience, tout ça. Mais l'équipe ne dit pas non au retour qu'il peut apporter, tout ça, pour essayer d'améliorer la voiture. Auré, de ton côté, comment tu voyais les choses pour AlphaTauri et est-ce que tu penses que c'est un choix dans la bonne direction pour les pilotes et l'équipe? Ah ben, c'est le choix le plus logique au final. Après, je suis quand même un peu deg parce que Ricardo, très gentil, mais bon dégustage d'ailleurs de yaourt au passage. Oui. Je l'ai pas mais bien bon, ouvert en plus. On est sur quelle saveur là? C'est quelle saveur? 13. Ah, mais il y a du bleu de l'autre côté. Ah, donc c'est vrai qu'il y a du bleu de l'autre côté. Mais ça doit être vanille fraise ou quelque chose comme ça. Non, c'est. Ou mayonnaise. C'est mayonnaise fraise. Mayonnaise. Fraise mayonnaise. Ouais, c'est dans la continuité de les chocolats Babybel, bien sûr. Voilà. Non, mais sinon, pour Ricardo, il est bien gentil, mais Mylène a dit les termes. Hein, il a un âge un petit peu avancé. C'est vrai qu'AlphaTauri, c'est pas vraiment l'endroit adapté pour lui, quoi. Et après, Lawson a quand même montré d'excellentes choses. Donc, Ricardo, de son côté, il a juste eu le temps de se péter la main, quoi. Donc, s'il faut, Ricardo, il est fini. On le sait pas encore, vous voyez. Donc, voilà. La tête, au final, dit Ricardo Tsunoda, mais le cœur, il dit Tsunoda Lawson, bien sûr. Le cœur dit même Tsunoda Iwasa. Non, je plaisante, bien sûr. Si, il dit ça, ton cœur. Non, il dit ça, bien sûr. Il dit Marino Sato, pour être... Il est encore là-dessus. Je vais pas lâcher le dossier, hein. Attention, j'ai des principes, j'ai un ego surtout, surdimensionné. Il n'avait pas roulé avec AlphaTauri, en plus, enfin Toro Rosso, il y a quelques années. Je sais. Non, ça, c'est Naoki Yamamoto qui avait fait les duels. Oui. Mais non, je crois que Sato, il avait fait des essais à Abu Dhabi en fin de saison, il me semble, hein. L'année dernière, je crois. Je sais plus. Je tiens pas son contactu sur Twitter, donc je peux pas. Et tu devrais. Je devrais. Il y a un créneau à prendre, ça c'est sûr. Le Marino Sato underscore fan underscore FR, tu vois. Je sais même pas s'il continue la compétition après tiers. Donc Marino Sato a conduit à Abu Dhabi à côté de Tsunoda. En 2020, ok. Là, c'était encore l'époque où on se disait « Ah, ce petit, Et très, très, très mal au cœur hein, que Marino Sato n'ait rien fait, juste pour le plaisir de l'ami moyen qui est ici. C'est vrai que quand devant... on... Oui, pardon. Non, je disais qu'il avait juste fini devant Matteo Sisacchian en 2019, mais bon, là, après, je... Il a remporté l'Euro Formula Open. Ça ne vaut plus rien. Mais... Il avait fini combien à Pau, juste pour histoire que je puisse le juger sur l'échelle Alors, j'allais voir ça justement. J'allais y venir, bien sûr. J'allais voir ça. Je suis sur son Wikipédia. Alors, en 2019, il a fait. Troisième et sixième. Honnête. Un podium, c'est très honnête, un podium quand même. C'est honnête, franchement, c'est honnête. Injustement récompensé en Formule 2. Non, mais c'est vrai que quand on pense à Marino Sato... Du coup, pour Liam Lawson, c'est un choix assez regrettable pour lui parce qu'il démontre... Il a tout de suite été dans le coup, mais hop. Transition! Allez, balance la transition, Mick. Transition. Red Bull n'exclut pas de prêter Liam Lawson à Red Bull. Red Bull n'exclut pas de prêter Liam Lawson à Williams, plutôt. parce que Red Bull prête déjà Liam Lawson à Red Bull, mais pour l'an prochain, voilà, potentiellement, pour le faire rouler et pour permettre à Williams de peut-être réduire les frais de casse. Parce que il y a 2 mois encore, j'aurais dit, c'est assez bête de la part de Williams de pas donner sa chance à Logan Sargeant, alors que j'entame le Babybel à l'émental. Autant, là, le dossier comptable de Sargeant depuis les Pays-Bas commence à être assez élevé. Et je pense que si c'était qu'une question de ça lui prend du temps à se mettre dans le rythme, tout ça, moi, j'y verrais pas de mal du tout. Autant, là, ça commence à faire un autre gros crash, et je crois qu'il a endommagé la voiture à Singapour. Oui, en course, pendant le Grand Prix, il a tapé le mur aussi. Donc, Pays-Bas, il y a eu 2 crashs, dont un qui lui a été excusé parce qu'il y a eu un problème de pression hydraulique qui a endommagé la direction assistée, si je ne dis pas de bêtises, ou quelque chose comme ça. À Singapour, bah, c'est totalement une erreur de sa part. Donc, ça fait au moins 2. Et là, à nouveau, en qualification, dès la Q1, il s'est mis dans le mur à la Robert Kubica et en 2019. Donc, ouais, c'est, je pense que pour Williams, on peut se dire, ça donne un peu l'excuse. Il donne un peu le bâton pour se faire battre, peut-être. C'est l'impression que j'ai. J'aimerais pourtant lui laisser encore plus sa chance à Sargeant. Je trouve que c'est cocasse que justement on mentionne Lawson pour potentiellement le remplacer quand justement l'an dernier on disait « Ah quand même, Lawson, il se fait presque battre par Sargeant qui est un rookie puisque Lawson finissait 3e et Sargeant 1 point derrière dans la même équipe. » Bon, la situation telle qu'à présent, comment tu la vois pour Williams, ce team est-ce que... Bah. Je termine mon délicieux cookie. Savoureux, c'est savoureux. Petit point goûté, c'est savoureux. La situation pour Williams, elle est, bah, pour moi, elle est très simple. Tu l'as dit, Mick, le bilan comptable, et pas en termes de points, là, en termes d'argent, coûte très cher depuis quelques Grands Prix, de par Logan Sargeant. C'est d'autant plus problématique qu'en début d'année, il crachait pas du tout les voitures. Et au contraire, il était très propre. Alors, il était pas très rapide, mais il était très propre. Et au moins, on pouvait lui mettre ça dans sa besace de points positifs en lui disant « Voilà, tu t'es peut-être pas rapide, mais au moins, tu casses pas la voiture. T'apprends lentement, mais sûrement, c'est bien. » et là, le problème, c'est que depuis qu'on a tapé sur la table en disant « Bon, ben gars, faut accélérer maintenant et qu'il a dit ok je vais essayer, bah il se met dans le mur, ce qui est très con parce que ça aurait été le schéma inverse, ce serait peut-être beaucoup mieux passé. Il y aurait eu en tout cas ce petit côté positif de c'est vrai qu'il s'est calmé au début de l'année, il tapait, il cassait les bagnoles, là c'est mieux. Bah là du coup non, c'est pas le cas, et d'autant plus que quand tu arrives à la fin de saison, c'est vraiment le pire moment pour faire des mauvaises perfs. Surtout quand tu as au portillon des gars qui sont là à dire « Bah ouais, mais moi, j'ai pas de baquet et j'en aimerais bien un, donc je vais essayer d'en trouver un. » Et qu'il y a lui qui se lève de sa chaise et qui monte sa chaise comme ça en disant « Eh, il y a de la place là, tu veux ouais, peut-être moi, peut-être toi. » Jusqu'à ce qu'il y ait un gars qui ouvre le portillon, qui aille s'asseoir et qui le regarde et qui dit « Allez, va-t'en. » Va en IndyCar ou en Formule E, je sais pas. Donc voilà, pour Williams, pour moi le choix est très vite fait, et comme le disait Monsieur Moyen, par rapport à AlphaTauri, mais je prendrai son image et je la collerai sur Williams, même si le choix du cœur me fait dire on peut peut-être le laisser parce que voilà, il a quand même fait une petite progression depuis qu'il était dans les formules de promotion, et pourquoi pas. Le choix de la raison est totalement sur lui dire bah, écoute, merci, au revoir. Et d'un autre côté, le cœur est quand même comblé parce que Liam Lawson pourrait retrouver un volant, et là, quel homme ne veut pas de Liam Lawson en Formule 1, je vous le demande. Quel homme ne veut pas de Liam Lawson, si je peux me permettre de juste poser oui, oui, exactement. La question. Pourquoi préciser en Formule 1 c'est... Non, mais ce qui m'a fait mal au cœur tout à l'heure, c'est la tête des mécanos qui étaient genre, mais saoulés. Genre, ils sont là, ils regardent, ils sont là. Oh, here putain, go on va again. Passer une journée de merde, les gars. Tu sais, ça va être... on va devoir encore refaire la voiture. Il perd la voiture, en plus, enfin, bêtement, entre guillemets, parce que c'est vraiment le petit endroit... Il y a un petit coup de cul, là. Je sais pas trop si c'est parce que c'est le dévers qui fait ça. C'est le virage qui est comme ça. Il donne tous un petit coup de raquette, tu vois, à cet endroit-là du circuit. Il y a souvent des erreurs ici, ouais. Ouais, et là, lui, il arrive, la première... trop de raquette, et puis la voiture qui repart, fini. Je sais pas, il a peut-être eu peur et où il a levé le pied. Alors je pense qu'il a peut-être pas levé le pied justement. Je pense que en fait il a quand la voiture est un petit peu partie, il a levé et après il a réaccéléré pour reprendre le grip, ce qui en soi est très cohérent. Le souci c'est qu'il avait déjà deux ou trois roues peut-être même dans l'herbe à ce moment-là et que quand tu recherches du grip dans de l'herbe et que t'es une Formule 1, le mélange est pas très bon quoi. Donc. Mais souvent t'es même un petit peu entre guillemets aspiré par le. Enfin, pas aspiré par l'herbe, mais du coup, t'as la voiture. Ah, bah après, il s'est complètement. Souvent vers là où il n'y a pas de grip, quoi. Hein, il s'est complètement déporté côté. Côté hors piste. Et le mur étant relativement proche à cet endroit, bon, bah voilà, quoi. C'est vrai qu'il n'empêche qu'il est vachement proche, hein, je trouve, hein, personnellement. Enfin, après, ce qui va encore, c'est qu'il rebondit. Les voitures rebondissent pas trop. Ouais, et puis. C'était pas si rapide comme. Oui, c'est pas un endroit où t'es vraiment le plus rapide. Ils sont de la 150 km/h. Si je peux me permettre, Glock s'était blessé à cet endroit-là en 2009. Oui, après, Glock avait tapé vraiment fort, par contre, si mes souvenirs sont bons. Bah, c'était au même endroit, du coup, je sais pas si les cartes de vitesse étaient vraiment... Je vais aller regarder YouTube. Rafraîchis-nous la mémoire, parce qu'au final, je suis pas bien sûr non plus. Hein, que... Kimo Glock ou Worst Crash Japan. Non, directement top 10 des crashs, le Timo Glock. C'est bon, je l'ai. 2000 quand de 9. Je l'ai. Ah, 20097, non, trop tard. Oh, on est sur du 144p là. Ah oui. 4 HDR. Ah oui. Ah, mais là, le mur est beaucoup plus loin ou. Ah non, c'est juste que là, il tire directement tout droit. Il part plutôt, Sargent sera un peu après, je crois. Ah oui, d'accord. Mais qu'est-ce qui se passe on dirait qu'il n'a pas du tout de grippe. Enfin, je sais pas s'il n'a pas eu un... Ouais. C'est la colonne qui a pété, non enfin, je sais pas, c'est bizarre. Parce qu'il tourne le volant, mais... Il n'y a pas de grippe et ça ne revient pas. Il s'ouvire juste. Ouais, très chelou quand même. C'est du gros souvirage, hein. Bah là, c'est... Il est à combien, là 1,29 quand il tape. Il n'aura pas eu la pole, je pense. Hein. Enfin, bref. Non. Et ça, je dis rien. Oui. Sargent a trop forcé au lieu de lâcher. Ouais, il y a un peu ce côté. Après, c'est, j'ai envie de dire. Je pense pas que ce soit une erreur bête en soi. C'est un truc, je pense, n'importe quel pilote l'aurait fait. Oui, c'est ça. Mais les pilotes, en général, quand ils commencent à faire une erreur, ils essaient de la rattraper aussi vite que possible. Après, un pilote avec plus d'expérience se dirait, bon, bah, là, le tour est gâché, ça sert à rien que j'insiste, et ils auraient lâché, quoi. Surtout que c'était pas le dernier. Dans son cas, hein. Non, je disais surtout que c'était pas le dernier. Il pouvait. Oui, c'était en début de session, quoi. Ouais. Donc, voilà. C'est malheureusement pas très joyeux. Des marbles. C'est de plus en plus. Ça va être de plus en plus chaud pour lui de garder sa place en F1. Parce qu'en plus de ce que j'ai compris, il y en avait quand même pas mal qui jouent avec ça. C'est que James Wolff dit assez ouvertement, oh, mais lui, moi, je ne jouais pas de lui moi, quand je suis arrivé chez Williams. Ouais. Après, il l'a pas mal défendu quand même sur le reste de la saison. Mais, oui, heureusement. Mais... Oh putain. Moi, je veux, je, Ça, s'il était si bon que ça, ça ferait des années qu'il serait passé capitaine ou lieutenant. Allez, absolument. tout de suite, voilà. Moi, j'admets que ce qui m'enquiquine, c'est que Sargent, si on regarde son parcours, on voit un pilote qui a un potentiel. Et j'ai pas envie qu'on s'en rappelle comme « Ah, c'est le dernier Américain en date qui s'est viandé en F1 ». Parce que ce sera ça, hein, quand on fait « Est-ce que le dernier ?» « Ah, Scott Speed, il s'est bien viandé, Scott Speed. Ah, les Américains en F1. Hein. » Voilà. C'est la différence, hein. Que je pense que Sargent pourra rebondir ailleurs. Oui, il est très jeune aussi. Alors, il est très jeune, et puis pour le coup, c'est un bon pilote. Alors, c'est pas un pilote excellent dans les normes, entre guillemets, de la Formule 1, mais c'est quand même un très bon pilote, et je pense qu'il n'aura aucun mal à trouver un volant ailleurs, dans un autre championnat, et à faire carrière ailleurs. On rappelle qu'en 2020, il jouait le titre contre Piastri et Purcher jusqu'à la dernière course au Mugello. Ouais, donc voilà, il est arrivé jusque là. Et en plus, signe du destin, il s'est foutu dehors ce Grand Prix-là. Oui. Tu vois, c'est typiquement le truc que tu peux reprocher à Sargent. L'an dernier, à Spa-Francorchamps, c'était la rentrée, on disait « Ouais, Latifi, il va dégager parce que… » Latifi, et qui va aller chez Williams, bon, bah, il n'y a personne qui semble vouloir y aller, ils vont peut-être promouvoir Sargent, tout. Bon, Sargent, qu'est-ce qu'il fait? Il se met dans le mur en course. Hartley, il est néo-zélandais. Il n'est pas américain. Mais néo-zélandais, là, pour le coup, on pourra en avoir un vraiment bon si Lawson déboule. Je rappelle, la dernière victoire d'un Néo-Zélandais, c'est Denny Hulme, en 1974, si je ne dis pas de conneries. Donc, c'est un pays qui attend aussi. Hein. Et pourtant, c'est un pays où il y a une culture quand même automobile, hein, avec l'histoire des Tasman Series. Les Toyota, c'est en Australie ou Nouvelle-Zélande? C'était océanique. Donc, ouais, c'est... Ouais, c'était un peu les deux. Enfin, océanique, ça se résume à l'Australie et la Nouvelle-Zélande, du coup. Mais oui, c'était un peu les deux. Ouais. Donc oui, il y a une vraie culture là-bas automobile. Il y a des pilotes qui sortent, mais ils sont assez rares à débouler jusqu'en F1. Ah, attendez que Scott Dixon arrive en F1, Digazou. Je connais pas assez le pilote, mais je sais qu'il est top du panier en IndyCar. C'est le meilleur de sa génération. Ouais. Mais sauf qu'il a 40, enfin, plus de 40 ans maintenant. D'accord, oui. Bon, ouais. C'est par là qu'il fallait commencer. D'accord. Oui. Ouais. Oui. Ah, un petit duo Alonso-Dixon chez Aston Martin l'an prochain. Ah bah, ça sera toujours mieux que Alonso. Tu vois, c'est marrant. Transition. Voilà, exactement, transition. Transition, là. Nouvelle sortie en Q1. Alors qu'Alonso passe en Q3 in extremis. Oui, mais il était dedans. C'est l'important. Ça montre le fait qu'il fasse des mauvaises perfs. Je pense que ça montre qu'il est préoccupé par le fait qu'il fasse des mauvaises perfs. Il a la tête ailleurs parce qu'il n'arrive pas à faire des perfs. Et il est tellement concentré dans il faut que je fasse des perfs qu'il a la tête ailleurs et qu'il ne fait pas de perfs. Mais du coup, c'est un très bon signe. Ça montre qu'il est impliqué dans ce qu'il fait. Non, mais le pire des espoirs, c'est quand t'as le mec, quand t'as son ingénieur Gilpis qui lui dit reste dans la voiture, on sait jamais, il y aura peut-être des laps deleted. Tu fais, ben non, en fait, normalement, si tu roules bien, t'as même pas besoin de te soucier des labs deleted, en fait. Voilà, c'est tout. Enfin, putain, mais c'est... On n'aurait pas dû mettre transition, on aurait dû mettre Canada Horror Show, en fait. Enfin, ouais, non, mais... L'Aston, c'était prévu, elle va pas. Sur ce tracé, ça va pas. Mais quand ton équipier arrive quand même à la ramener en Q1, en Q3, même si c'est pour être dixième... Ça l'a fait toujours mal de sortir. C'est la troisième fois de suite, hein, je crois, qu'il se fait éliminer en Q1. Monza, Singapour et maintenant. Et aux Pays-Bas, c'est Alonso deuxième en course et Stroll 11 ou 12e. Donc, c'est une situation vraiment délicate. Et là, ce que Tim disait, je ne sais pas si on en a parlé la semaine dernière, mais c'était la déclaration de Mike Crack après le crash de Stroll, disant bah, le fait que Stroll se crash, ça prouve qu'il essaie d'aller vite, qu'il essaie de bien faire et qu'il n'en a pas rien à foutre. Putain, mais... Mike Crack vient de demander son augmentation de salaire indiscrètement. Le merveilleux monde de la communication, les enfants. Oui, non, mais tu peux la faire dans tous les sens. Hein. Donc, ouais, c'est vraiment... C'est compliqué. En fait, c'est assez incroyable de se dire que... En fait, Lance, qui était tombé sur des pilotes... En fait, là, il tombe sur Fernando Alonso. C'est surtout ça qui est difficile pour lui, je pense. C'est qu'il est tombé sur ce pilote qui a la réputation de détruire ses coéquipiers. Bon, sauf peut-être Hamilton et Button, mais bon, c'est Hamilton et Button. Et Ocon, qui s'en est très bien sorti, mais après, c'était un contexte différent, mais ça montre que bah par le passé, en étant face à des coéquipiers qui étaient peut-être des bons pilotes, mais pas des pilotes de pointe, ça a juste permis un peu de sauver les apparences. Là, cette année, il y a peut-être une ou deux performances qui sortent un peu du lot de Stroll, et généralement, c'est des performances où il partait d'assez loin sur la grille, parce que mauvaise qualif et il est bien remonté en course. Là, en fait, je pense qu'on pouvait toujours un peu trouver des excuses pour le prolonger, mais là, du côté d'Aston Martin, je pense que ce que j'essaye d'exprimer, en fait, c'est que j'essaye de me mettre dans la tête des gens, de me dire ok, bon, il y a ces raisons politiques, et s'il y a ça, et quand tu mets les choses en perspective, tu peux comprendre pourquoi ils le gardent. Là, je vois pas rien. Du tout. Il y a rien. Et la moitié de rien, ce qui fait toujours rien. C'est ça, en fait. Parce que encore une fois, ben là, Aston a perdu la deuxième en trois courses. Ils sont passés de deuxième du championnat constructeur à, si ça continue, McLaren va finir devant eux, quoi. Parce que McLaren part 2 et 3 demain et Alonso est dixième. Donc si ça fait ça tous les week-ends, ça va pas durer longtemps, quoi, la troisième, quatrième place, quoi. Non, mais surtout que Stroll, il brille pas au moment où l'Aston fonctionnait bien en début de saison. Et enfin, il avait des, enfin, c'était pas terrible. Bon, au début, on l'avait excusé parce qu'il avait son bras, il a le poignet cassé. Et ensuite, ça a juste été la descente. Quoi. Depuis, je dirais à peu près le Canada où Aston Martin s'est fait rattraper hein, au développement par tous les autres. Ben là, ça devient terrible parce que même Alonso qui a failli sortir en Q2, je crois, enfin en Q1, il passe en Q2 in extremis. Enfin. Ah ouais. Ça montre encore plus Stroll parce qu'il se qualifie. Il y a une fois où il s'est qualifié P20, je crois que c'était à Zandvoort. Enfin, ensuite, le week-end d'après, il se crash. Là, maintenant, il sort encore en Q1. C'est moyen, ouais. Est-ce que Alonso est déjà sorti de la Q3 Il a fait Q3 depuis le début de l'année, ouais. Que les Q3, ouais. 16 de suite. Ce qu'on appelle quand même une clim aussi. On parle aussi d'un pilote qui n'est pas réputé pour être le meilleur en qualif. Hein. En plus, Après, on parle aussi de Fernando Alonso. Quand oui, même. Voilà. Nuançons les propos. Mais c'est vrai, oui, voilà. Mais c'est vrai qu'Alonso, ce n'est pas son exercice préféré, les qualifs. Oui, oui. D'accord. Mais c'est comme si tu dis Cristiano Ronaldo, son exercice, la tête n'est pas son exercice préféré. Oui, c'est vrai, Cristiano Ronaldo, il sait mettre une tête en finale de Ligue des Champions s'il faut. C'est pas un souci. Bien sûr, sauf que la dernière pole d'Alonso, bien sûr, elle arrive chez vous. Voilà. C'était 2012, je crois, il me semble. Ouais. Allemagne 2012. Ça reste quand même une sacrée clim pour Stroll. Ah ben bien sûr, évidemment. Malgré tout ça, quoi, je veux dire. Il se fait vandormiser, là, si je peux me permettre. Ah ouais, complètement. Il a lâché le V-word, attention. Alors, Italie, 20e. Singapour, bat le crash. Aux Pays-Bas, il était 11e. En Belgique, bah, c'était un de ses bons week-ends. 10e en qualif, pardon. 14e en Hongrie, 12e en Grande-Bretagne, Autriche 6e, Canada 16, l'Espagne, c'est un des rares week-ends où il a été devant Alonso, mais Alonso avait fait un de ces rares week-ends où il fait de la merde. Monaco, on n'en parle pas, hein, 14e en qualif, Alonso première ligne. Miami 18e, Alonso podium, enfin... Il termine 12e à Miami. Voilà. Ouais, c'est. Il y a des moyens hauts et des très bas, quoi. Bon. Il faut promouvoir Drugovic, c'est tout ce que j'ai à dire. Perdu pour perdu, tu mets le nouveau. Hein, voilà. À un moment donné, il faut commencer à songer à vraiment l'envoyer en tennis, hein, du coup. Hein, parce que là, c'est bon, quoi, stop. Enfin, je veux dire. Ça devient vraiment. Quand on parlait l'année dernière de ouais Latifi, mais même lui hein, maintenant, hein, c'est de lui devenu là, un petit peu un peu la tâche, après, je dirais, de la formule, enfin au niveau. Je pense qu'il faut quand même. Au niveau performance, quoi. À l'échelle de la Formule 1, oui. Après, je pense quand même qu'entre Stroll et Latifi. Il y a quand même pas trop de. Plus, mais là, il n'est pas assez perfo pour pouvoir essayer de. Là, en plus, comme tu disais, là, Aston Martin, en fait, ça ressemble un petit peu. On voit que c'est un petit peu comme à l'époque, tu sais, de Racing Point, Force India et tout ça. C'est genre, ils sont très bons en début d'année. Et en général, quand les développements commencent à vraiment prendre le dessus sur les voitures d'à côté, je dirais, hein, les autres écuries, elles commencent à se développer, à essayer de se rattraper. Bah, typiquement, là, c'est. McLaren qui s'est vraiment qui a bien remonté la pente et qui a fait une pente assez costaud, parce que là pour le coup ils sont ouais c'est joli, t'as pas envie de la monter le soir quoi celle-là en lendemain de soirée je dirais. Aston Martin eux ils ont plus ou moins stagné quoi en fait et ils ont pas amélioré plus que ça la voiture j'ai l'impression, ou en tout cas ça n'a pas eu les effets escomptés et maintenant là où il faudrait que les deux pilotes soient perfo, bah en fait lui il est toujours en train d'essayer de passer en Q2 quoi. Alors qu'Alonso, il arrive encore à... Bah, même si là, il a passé en in extremis en Q3, et il est passé en Q3. Donc, c'était... voilà. Vous vous rappelez, en 2019, quand il passe d'une Williams qui est mauvaise à une Racing Point qui n'est pas bonne, il a eu une série, je crois, de 17 Q1 consécutives. Il y a eu... Oui, ça ne me choquerait pas, oui. Non, mais c'est pas que ça te choquerait pas, c'est que c'est arrivé. C'est... Oui, non, mais je me rappelle plus, mais... Pas 17 plus. Dans ces zones-là. Je me rappelais pas exactement, mais oui. Bah, ouais. C'était ça, voilà. Ça reste... C'est-à-dire que... C'est... Voilà. RIP la mission 33, Mylène, effectivement, mais on y croit. merci, je ne suis pas le homard qui a renouvelé son abonnement de niveau 1 sur le Prime. Sur le Twitch, et Maximus qui, en plus d'avoir gagné un cadeau, a offert un cadeau à Strigon en lui offrant un abonnement. Ouais, parce que je faisais le point l'autre fois, je me dis, putain, Strigon, il est plus abonné, c'est quoi ce scandale ? Il est encore là, donné son Prime à Duforest. Tu noteras que je bois en attendant que tu racontes ça, parce que voilà. Ah, mais je pourrais continuer toute la soirée. Hein. Les temps sont durs. Oh, yeah. On a eu une autre prolongation qui fera peut-être beaucoup moins débat et je vais laisser la parole à Sucette Man. tu en profiteras pour quand même nous dire à quoi elle est et si elle vaut la peine. Coca, bien sûr. Ah, intéressant. Écoutez, ça fait le taf. Une prolongation qui a été annoncée jusqu'en 2026 chez McLaren pour Oscar Piastri. Tout à fait. Après, ça reste quand même un peu surprenant qui prolonge pour. Alors, c'est 2026 inclus ou c'est jusqu'à fin 2025 ? Jusqu'à fin 2026. Jusqu'à fin 2026, oui. Jusqu'à fin. Donc, ça fait trois autres saisons quand même. Donc, c'est il a confiance, on va dire. Mais bon, j'imagine que McLaren a su suffisamment le convaincre que la situation ne va faire que s'arranger pour eux et qu'ils vont remonter en haut du classement, quoi. Mais après, bon, Piastri, c'est un petit crack, on peut le dire. Hein. Rien qu'à Singapour, il passait de. Je crois qu'il partait 17e à finir dans les points, alors que c'est un circuit urbain. 17 à 7. Ouais, c'est 17 à 7. 17 à 7. Et là, il se qualifie P2 sur un circuit, il n'a jamais roulé. Hein. Exactement. Ouais, ouais. C'est ce que quelqu'un soulignait dans le chat en début d'émission, c'est quand même incroyable. Ouais, c'était Anécroix quoi qui en avait parlé, justement, j'avais retenu la question parce qu'il avait mis un hashtag fuck sur le truc. mais on y reviendra. Vas-y, pardon. Silence. Non, mais... non, je disais, déjà qu'en début de saison, il était assez, assez rapide, même s'il terminait derrière Norris, mais c'était juste quelques secondes derrière, ou même à Jeddah, je crois qu'il avait fini devant lui, il avait dépassé en fin de course. Enfin, bref, il montrait déjà qu'il avait ce qu'il faut quoi, pour être un bon pilote de F1. Et puis maintenant qu'il a la confiance, contrairement à Sergent, du coup, qui n'a pas la confiance, il fait que de la merde, le pauvre. La Piastri, lui. Juste il déroule quoi, c'est impressionnant à voir et je me demande jusqu'où il va aller quoi. Après aussi on peut se poser la question de est-ce que Norris qui est du coup un pur produit McLaren, c'est aussi ce que je me demande, ouais. La dynamique entre Norris et Piastri, ouais. Parce que là ça fait en Piastri a fait un énorme step up depuis la reprise estivale. Il se qualifie régulièrement devant Norris, il fait des performances très solides et c'est sa première saison. Donc, qu'est-ce que ça va donner l'année prochaine ? Le contrat de Norris, je crois qu'il finit en 2025 ou 2026 ? 2025. Il y a les rumeurs comme quoi Red Bull essaye de choper Norris. Enfin, ça va être intéressant de voir ce qui va se passer chez McLaren d'ici là. Parce que là, il n'est plus du coup chez lui comme il était avant. Ouais, quoi. Parce que si maintenant, il y a Piastri qui commence aussi à venir taper à la porte. Et que s'il continue de performer aussi fort, ça peut changer beaucoup de choses chez McLaren. Après, ça peut aussi créer un faux problème de riche pour McLaren. Et McLaren peut se dire, on développe une bonne voiture, on a les deux bons pilotes pour la conduire déjà. Donc on a juste à concentrer nos efforts sur créer une bonne bagnole, étant donné que une fois qu'on a un bon outil, on le met dans les mains des deux gars qu'on a et on sait qu'ils vont rouler très fort avec. Et c'est plus ou moins ce qui se passe là depuis la dernière amélioration qu'ils ont emmenée. Hein. La voiture, elle a pris un step-up extraordinaire et là, de voir une voiture qui a l'air, enfin, qui est rapide entre les mains de deux pilotes qui sont très très bons et en pleine forme, etc., etc., ça fait des merveilles. Donc, il suffit que la voiture soit encore meilleure et peut-être que McLaren peut, alors c'est peut-être hypothétique et un poil un fantasme, mais que McLaren peut revenir se battre pour les victoires, le titre. Et dans ce cas-là, McLaren serait très heureux d'avoir ces deux pilotes-là, a priori, qui pourraient leur apporter les très gros points, jouer les titres et aller dans ce sens-là. Après, ça peut aussi très vite créer des tensions parce que forcément, hein, si les deux voitures se battent pour la victoire ou pour les titres, il y aura éventuellement des tensions qui seront en place à un moment donné, mais. Ils peuvent aussi, où je veux en venir, c'est qu'ils peuvent aussi se dire, voir comment 2026 va se passer, va se profiler, et à ce moment-là, éventuellement, voir avec Norris pour aussi prolonger et peut-être tenter le coup d'avoir ce line-up-là pour 2026 et éventuellement les années à venir. Et c'est pas obligé que ça se passe mal aussi. Après, Sainz, où typiquement en 2022, début d'année, du coup, ils avaient une voiture qui était capable de se battre pour la victoire. Ça n'a pas fait de drama vraiment. Hein. Non. Oui, après c'est. Est-ce que ça aurait duré sur l'ensemble de la saison si à 4-5 Grands Prix de la fin, les deux étaient en lice pour le titre ? Oui, bien sûr. Voilà, je sais pas. Et sans taper sur l'un ou sur l'autre, c'est normal. Quand t'es un pilote de course, que ce soit ton coéquipier ou pas, de vouloir faire la guerre à ce mec-là pour le battre et pour être champion, c'est logique. Bien sûr. Je vais te laisser la parole, monsieur Moyen, parce que peut-être est-ce un domaine que tu maîtriseras mieux que moi. McLaren a aussi annoncé un autre pilote ce week-end en tant que réserviste. Hirakawa, c'est ça. C'est ça, Rio Hiraka. Hiraka. Rio. Le japonais. 24 heures du Mans. Oui, oui, oui. Ouais. Qu'est-ce que tu peux nous dire Moi, et là, c'est super licence, ce que j'ai compris. Hein. Oui, c'est ça. Oui, oui, bien sûr, oui. Oui, parce qu'il a les points du WEC, mais il a aussi les points du... Alors, je ne sais pas s'il faisait Super Formula et Super GT ou juste l'un des deux avant de signer chez Toyota. Mais tout ce que je sais de lui, est-ce que je peux vous communiquer, bien sûr, dans les cercles restreints Non, bah, c'est un super pilote. C'est assez sympa que McLaren aille... sortent des sentiers battus, on va dire, pour leur pilote de réserve. Après, bon, on n'a qu'à voir, je sais pas moi, Hartley qui a fait un chemin un peu similaire, d'abord l'endurance et ensuite la F1. Bon, il n'a pas été non plus étincelant, mais il n'a pas été ridicule non plus pour sa seule saison chez Toro Rosso, quoi. Et après, bon, c'est un petit peu un aveu de la part de McLaren que bah, des pilotes jeunes. Capables d'être réservistes, bah, ils n'en ont pas du coup dans leur programme, je veux dire. Oui. Je ne sais même pas s'ils ont un programme, là, à vrai dire. Mais ils n'ont pas de réservistes, surtout, déjà. Bah, ils se servaient chez Mercedes, Mercedes, non ? Ouais. Mais après, c'est quand même... J'ai cru entendre un prout, hein, si je peux me permettre. D'accord, non, oui, j'ai entendu ça. Non, alors, pour ma défense, c'est ma chaise. C'était forcément Tim. C'est ma chaise. Non, alors... Bon, on va parler facts, d'accord. Il y a ici des gens. On va plutôt parler farts, oui, surtout. Il y a des gens avec qui ici on est très régulièrement en soirée. Ils savent que je n'ai aucun problème à assumer des P, surtout des très beaux P, bien virils. Là, voilà. Viril, on ne sait pas trop. Franchement, je me suis. C'est les mots qu'utilise Mick. Tu m'excuseras, Strigoun. Je me suis rapproché de mon ordinateur pour rechercher l'Académie McLaren. Il y a eu un contre-temps avec ma chaise, ce n'est rien de plus que ça. Si l'envie vient, j'ai bu du lait, ce serait en plus quelque chose de justifier, oui. Voilà, de justifier. Et naturel. Ne vous inquiétez pas que le micro qui est ici fera un petit voyage pour vous faire profiter de tout ça. L'explication. Non, s'il te plaît, garde ça pour toi. S'il te plaît. Non, bah, mais alors là vous m'avez lancé, maintenant il va y avoir. Ah, bah oui, bah là, on l'a lancé. Hein, non, voilà, c'est bon. Voilà. Merci, merci Gaspacho pour l'abonnement Prime. Oui, donc McLaren a un pilote qui est capable de rouler en Formule 1 en tant que réserviste. Donc, je pense que personne ne l'a vraiment vu venir, celle-là. Donc, voilà, c'est la petite annonce du week-end. Ils ont enfin leur propre réserviste. Et c'était à peu près tout le petit tour sur l'actualité. C'est une porte de plus qui se ferme pour Mick Schumacher aussi, hein, si je peux me permettre. Oui, off. Alors, du coup, pour revenir sur les pilotes de l'académie du programme de développement McLaren, il y a donc Ryo Hirakawa, donc, qui est en WEC, Pato Howard, qui est en IndyCar. Ah, bon, putain, oui. Et Hugo Tchoukou, qui est en Formule 4 italienne. Voilà. Pato Howard, qui a eu sa super licence passé un temps, quand il était passé par Red Bull. Red Bull l'avait recruté, je crois, en 2018-19. Oui, il a fait un aller-retour. Hein. Ah oui, il n'est pas resté longtemps dedans, mais il y est passé. Ils l'ont libéré pour qu'il aille justement en IndyCar. Mais d'ailleurs, c'est étrange que McLaren ne se serve pas dans son vivier de pilote en IndyCar pour justement faire réserviste. Mais ils n'ont pas la super licence ? Oui. C'était toute la blague. Non, même pas. Oui, la... Ah, je sais, enfin, IndyCar accorde des points de super licence. Ouais, oui, mais pas beaucoup. Pas beaucoup. Je crois que c'est 20 points le titre, si je dis pas de bêtises. Je crois que c'est 20 ou 30. Je crois que c'était 30. Ouais, enfin, mais c'est quand même Il suffit assez de radin. Faire de bonnes saisons et puis surtout que maintenant ils comptent les trois dernières, je crois. Hein. Quatre. Les quatre même. C'est dans les quatre dernières saisons, tu peux choisir les trois meilleurs. Oui, bien sûr. Puisqu'ils comptent les années Covid 2020-2021. Et je ne sais pas si 2022 n'est pas pris en compte aussi d'une façon ou d'une autre. Ils peuvent s'arranger avec la FIA en cas de besoin. Mais c'est en tout cas encore en vigueur ce truc de si les trois dernières années ne suffisent pas, on peut englober une quatrième et te permettre d'en supprimer une qui ne t'arrange pas trop. Enfin bon. Merci. Bmax qui dit c'est 40 points maintenant. 30, 20, 10, 8, 6. Oui, c'est 40. Il y a une réévaluation alors parce que c'est pas 40 à la base. Mais c'est sûrement avec la polémique qu'il y a eu l'an dernier, c'était avec Kierta Howard que. Non, pas Howard. Que Kierta, Red Bull. Ouais, c'était avec Kierta, ouais. Que Red Bull voulait mettre justement avant de faire venir De Vries. Bon. On va revenir dans la dièse fugue, dans la forêt ultra questionnée dans quelques instants, mais je vous propose un petit jeu avant, si vous êtes partant, un petit jeu de devinette qu'on n'a pas eu depuis très longtemps. J'avais dit que ça reviendrait, donc ça revient. C'est parti. Venez jouer aux devinettes de collage photo dans Photoshop Intense Amusement, proposé par Mylène. Elle va être heureuse. Et oui, c'est le jeu des devinettes avec les petits montages photos. Photoshop Intense Amusement. Je rappelle le concept. On va avoir des petits montages et il faut deviner le jeu de mots qui se cache derrière. Par exemple, je vais reprendre un vieux. Qu'est-ce qu'on avait ? Allez, celui-là est formidable. Partage. Voilà. Donc ici, par exemple, il fallait deviner, Tim, si tu te rappelles. Jordi Scheckter. C'était bel et bien Jordi Scheckter qu'il fallait deviner. On en avait eu d'autres. Celui-là était technique. Danny Wiz. Voilà, le Dan Wiz, c'était ça. Georges Lucas Di Grassi. Georges Lucas Di Grassi. Voilà. Banjo Norris. Voilà. Jim Clark. Ah putain. Voilà. Oh la vache, ah oui, je me rappelais plus. Il y avait Fernandel Alonso aussi, non? Fernandel Alonso, Sébastien Vessel. Jamie Chadwick. Mick Chadwick. Ah oui. Alain Prostat. Alain Prostat. Zizio. Zizou Gwen. Ah oui, Zizou. Oh là là. Zizou, mais Zizio. Et ça, c'était Formule Glagla. Ah oui. Voilà. Et dans les premiers, Fernandel Alonso. A été génial aussi. Et Gazou. Voilà. Donc, on a une autre petite série de devinettes. Ça va être au plus rapide. Je compte les points, Jimmy. Tu les comptes aussi ou je les compte? Je te laisse compter. Fais-le, s'il te plaît, parce que je ne sais pas compter. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié ce détail. Moi, je sais compter que jusqu'à 7. Oui. Après, j'ai plus à 7 doigts. Donc, est-ce que vous êtes prêts? Je reporte la chaîne, dit la soeur du pape. Non. Laisse-nous au moins terminer la suite. Ah oui. Est-ce que vous êtes prêts, les enfants? Bien sûr. Allez, c'est parti. On ouvre les micros et c'est parti pour la première devinette. Attention, celle-là, elle est intra-communautaire. What? Roue libre. Eh oui. Roue libre. Oh, voilà. D'accord, ouais. Voilà. Donc, on les embrasse pour Monsieur Moyen. Non, j'ai rien dit, moi. Non, c'est String. Pour String. J'ai pas envie de lui donner de points. Allez, la deuxième. Allez, technique. Jacques Stewart. Non. Non, c'est pas Stewart. Ah, bah, c'est Jean-Pierre Jacquouille. Jean-Pierre Jacquouille. Ah, bah oui. Putain. Ah, bien joué. Elle est merveilleuse. Ah, bah, aidé. Ah ouais, c'est... exceptionnel. Elle est exceptionnelle. Et oui, je précise, une seule tentative de réponse chacun. Ah oui, oui. On sait... Ah, ok, ok. Il faut choisir ses mots, du coup. Ascari. Alberto Ascari. Putain, mais il venait de mourir, en fait. Ah, bah, C'est moi, Mylène V, en fait. Je vous l'ai pas dit, les gars. Vous êtes prêts pour la suivante émission? Ayrton Senna. Ayrton Senna. Senna. Ayrton Senna. Bien joué, Shira. Ouais. T'avais dit quoi, Tim? Juste Senna? Oui, Senna, parce que je suis allé trop vite. Mon cerveau n'a pas. Ouais. J'ai oublié de dire Senna, ouais. Ouais. Voilà, avec Bottas, j'avais pas vu dans le cadre. Oh, ah, mais putain, oui, très très bien joué. Le zoom. Ah, c'est fait chier pour l'intégrer. Non, mais elle est formidable. Hein. Les montages sont d'une extrême qualité. Allez, la suivante. À l'imposte. À l'imposte. À l'imposte. Ah, ouais, là, elle est pour Tim, celle-là. Elle est, Allez. Ah, il y en a des faciles, il y en a des techniques. C'est, vous n'allez pas les voir venir. Attention. C'est la sixième. On en a fait la moitié. Jacques Lafuite. Waouh, putain. Très, très bon, Strigone. Ah, bah, oh. Voilà. La septième. Attention. Oh putain. Freddy Irvine. Hein? Freddy Irvine. Freddy Irvine? Comment ça, Freddy? C'est Freddy qui? Oh, Freddy Mercury, oui. Mercury, ouais. La moustache, bien sûr. Bien joué, Auré. Attention pour la huitième. Celle-là, je la sens pour Tim. Olivier Pastis. Wow. Oui. Oh, je savais que ça c'était digne d'un Danouise, celle-là, Olivier Pastis. C'est tout dans le bétail. Ah ouais, elle est incroyable. Ah, mais attends, là, on va se mettre du monde à dos, là, parce que normalement, on dit Ricassou. Hein. On dit Ricard, Ricassou, mais pas Pastis. Hein. On essaie de quand même de regarder. Ça dépend où. Dans le sud-est, oui, ça dépend où. Hein. Alors, la prochaine, faudra me l'expliquer parce que je l'ai pas du tout. Touche pas à mon mic? Bah non. Blabla pour Baba, j'imagine. Ah. J'imagine. Bah, propose ta réponse. Blabla, juste. Je sais pas. Parce que je sais pas comment dire Bob. Ouais, bah c'est. Je l'accorde. C'est formule Baba. Ah oui, d'accord, ok. Ah ouais. Ouais. Non, vas-y, demi. Mais c'est quoi du coup, Bab? Parce que Cyril Hanouna, c'est son surnom, Cyril Hanouna. Ah, d'accord, ok. Bah voilà. Et pour la toute dernière, très intra-communautaire, mais vous pouvez l'avoir dans le chat. Attends. On reconnaît le Béret, hein. Strigoun Piastri? Piastrigoun? Piastrigoun. Ah, le bâtard! Piastrigoun. Joué! T'avais juste à inverser Strigoun, là, franchement. T'as... Bah oui, du coup, oui. Oui, mais j'ai pas pensé au Stri, du coup, voilà. Voilà, donc, que donne le décompte, Stri? Alors, Team 3, moi 2, Auré 4, et Shira 1. Eh ben, on a notre vainqueur, encore une fois. Dès qu'il y a un quiz et qu'il vient, c'est pour lui. C'est chaud. Il est beau et intelligent. Arrêtez. Et drôle si je peux. Lancer et modeste. Oh oui, surtout, bien sûr. Bien sûr. Allez, tout le monde, toutes les femmes, jetez-lui les culottes sur la cam. Il ne les verra pas, mais au moins. Même les hommes, voilà. Même les hommes. Oui, les hommes aussi. Envoyez les hommes aussi. Je m'apprête à le faire. Je prends. Je ne mets pas un sous la main. l'autre il se baisse pour récupérer les hashtags. J'ai eu un moment de conscience où je me suis dit non. Je ne vais pas aller aussi loin dans la vanne, même si il est à portée de main, hein, j'ai juste à voilà, mais non. L'intention y est, bien évidemment. Allez, retour aux choses sérieuses avec Gazou. Il avait trouvé Olivier Pastis, hein, oui, Pastis, je l'ai vu, ouais, ouais, il l'avait mis, hein. Avec vos questions au dièse fuc, c'est l'heure de la... Allez, vas-y, fuck-moi. Allez, fuck-moi. La foire ultra questionnée, c'est tes questions et on y répond tout de suite au hashtag fuck. Je viens de me rappeler d'un truc. Je me suis dit, ça n'a quand même pas le même goût, ce genre de générique à cette heure-là de l'après-midi, tu vois. Oui, oui. Parce que oui, souvent, sûrement. C'est 23h, tu sais, en général, bon, voilà, le samedi ça. Soir, tout ça, tout ça. C'est vrai. Et là, plein après-midi, 17h, 17h50. Alors, je vais revenir avec une question de la semaine dernière. Que je la retrouve parce que... La semaine dernière Oui, enfin qu'on a eu en commentaire et je me suis dit, bon, on va la rapporter pour cette semaine parce que je n'avais pas la réponse. Pardon, c'est MB Janus qui demande à propos d'écologie, est-ce qu'on a comparé la consommation des pneus et de l'essence des F1 avec celle de l'essence et des pneus des spectateurs et sans prendre en compte celle de l'électricité des spectateurs? Parlant de ce qu'on parlait vis-à-vis de la consommation pneumatique des Grands Prix, tout ça, machin. Voilà pour la question. Moi, c'est un sujet qui me dit rien du tout. En gros, je pense que c'est tout ce qui est organisationnel. C'est comme dans énormément d'événements sportifs, si ce n'est tous, ce qui pollue le plus ou ce qui génère en tout cas le plus de carbone, c'est pas l'événement en tant que tel. La Formule 1, ce qui génère le plus, c'est pas la course. C'est tout le frais, enfin le transport. C'est le frais avec les spectateurs. C'est les spectateurs. L'installation de oui. Toutes les publicités sur le circuit, ben, faut bien que tu aies un camion qui fasse le tour du circuit pour poser tous les trucs. Enfin, c'est tout ça qui consomme, enfin, qui crée le plus en tout cas d'impact environnemental. C'est pas la Formule 1 en tant que telle. Mais est-ce que la F1 le. Ah, on c'est ça. Dans, ce que sûr. Je comprends, ouais. Alors, je pense pas, hein. Pour être tout à fait honnête. Oui, sois là, s'il te plaît. Je pense. Que la Formule 1 a au moins une appréciation globale de toutes ces données et qu'ils ne piochent que ce qui les arrange pour leur com, ce qui est le travail des gens qui bossent dans la com. Donc, si prendre l'ensemble leur permet d'arrondir leurs chiffres, je pense qu'ils le font. Si omettre une partie des interactions qu'il y a ou de la création de carbone qu'il y a va à l'encontre de ce qu'ils veulent mettre en place, ils vont tout simplement l'oublier dans leur communiqué ou dans la façon dont ils vont en parler. Je pense très honnêtement que c'est comme ça, parce que s'ils prennent ça en compte et que ça leur permet de dire, bah, vous voyez, on a un objectif neutre en 2030 et grâce à ce qu'on fait, ça nous permet aussi de contrer l'impact carbone des spectateurs, du fret, des équipes, de ci, de ça. C'est tout bénef pour eux en fait. Donc je pense honnêtement que ça, en tout cas qu'ils ont les données. Après, est-ce qu'ils le prennent en compte ou pas, je sais pas, mais faudrait poser la question aux gens qui bossent à la com en Formule 1, mais ils répondront pas bien évidemment, mais... tu as employé un terme qui m'a triggered, Tim. Oula. Je ressors le langage X parce qu'il y a eu une polémique sur le X, Tim. Oui. Ce genre de choses arrive. Sur le X, ouais, ça m'étonnerait bien X. Quand même. Mais j'en étais le premier surpris, justement, figure-toi. À cause de Maximus, mais Verstappenissus, qui, on l'a cité dans des médias francophones, disant tous ceux qui n'arrivent pas à apprécier la domination de Red Bull ne sont pas des vrais fans. On l'a traité d'égocentrique, de faux cul également, puisque lui, il ne semblait pas aimer la domination mercédesesque. Et pourtant, tu as employé le terme apprécié, mais en disant que la F1 devait avoir une appréciation globale de tout ça. Ça veut dire qu'ils aiment tout ou est-ce que le terme apprécié aurait un autre sens, Tim? Non, il y a un autre sens, Mick. Mais qu'est-ce que Verstappen voulait dire alors en disant les fans doivent apprécier la domination Red Bull, sinon c'est pas des vrais fans. La prendre en compte parce que c'est le sport. Considérer. Voilà. Réfléchir. Et quand Strigoun comprend un truc, t'as vraiment que c'est vous le problème. Premièrement, je t'emmerde. Deuxièmement, oui, apprenez à réfléchir. Le sport, ça a toujours été comme ça. Quand c'était Schumacher qui mettait une pilule, une clim monumentale à tout le monde de 2004, tout le monde a dit, à la fin, tout le monde était en mode, bon, il nous fait chier, lui. Il est bien gentil à gagner tout le temps, mais à force, on s'emmerde. Voilà, donc... Ça nous saoule, mais nous apprécions. Et ces mêmes personnes disent aujourd'hui, c'était quand même mieux de l'époque de Schumacher. Ah non, mais faut rappeler l'hypocrisie. Mais de toute manière, voilà. C'était tellement mieux quand on connaissait le champion à la mi-saison, quoi. Franchement, on arrivait à Manicourt, le mec était déjà titré, c'était tellement mieux. Alors qu'aujourd'hui, il y a tellement de Grand Prix que ça peut pas arriver à la mi-saison. Oui, voilà. On le sait dès le troisième Grand Prix qui sera champion, mais il faut attendre le dernier pour que ce soit officiel. En même temps, les réseaux sociaux et la logique, c'est pas quelque chose de très très... qui va ensemble. Et les réseaux sociaux, de toute manière, j'ai envie de te dire, il y avait un petit bout de sketch de Fabrice Eboué qui est très drôle, qui dit comme quoi les réseaux sociaux, ça a permis aux idiots du village de se rassembler. Parce que d'habitude, ils étaient juste dans un bistrot, et puis en fait, c'était bon. Tu disais, oh, t'es drôle deux minutes, et puis ça va, quoi. Mais là, en fait, tous les mecs de ces bistrots-là ont pu se communiquer ensemble. Et aujourd'hui, ça fait les réseaux sociaux. C'est ça, et d'ailleurs, n'oubliez pas de vous abonner à @FMGNF sur Twitter pour rejoindre d'autres idiots. Oui, parce qu'on est. Vous inquiétez pas, on est des cons aussi, hein, quand on s'y met. Et je tiens à le dire aussi, tous les vendredis, il y a la hashtag. Breaking news, Shira, il y a une breaking news apparemment. Les CRS qui se ramènent chez Shira. Là. Ouais. Oh, c'est génial. Je sais même plus ce que je disais. Tu parlais du vendredi, que tous les vendredis sur le compte de la FIMG, oui, Night Fever, il y a. La FIMG Night Fever playlist avec un de nos titres préférés, choisi, oui, avec soin. Ce week-end, oui, c'était The Eye of the Ranger, qui évidemment en plus était une grosse dédicace au week-end sans Formule 1 dans les années 2000, puisque c'était Texas Ranger. Ouais. Cause the eye of the ranger avec le fameux Chuck Norris. Voilà. Donc voilà. En gros, c'était après le poulet du dimanche midi. Ton daron, soit il faisait la sieste sur Walker Texas Ranger, soit il faisait la sieste devant la Formule 1. En gros, c'était ça à l'époque. C'était mieux de notre temps. Hein. Ouais. Voilà. Et c'est ce que j'allais dire aussi. Et du coup, Ivan l'a dit avant moi dans le chat. Verstappen aimerait être considéré en tant que tel. Voilà. Il ne demande pas à ce qu'on apprécie, à ce qu'on aime ça. La domination, mais qui soit reconnu en tant que tel. Voilà, c'est tout. Celle-là, je la garde pour après. Goon, qu'est-ce qui nous a mis de beau? Alors, Alec Rock, vous avez vu que la direction de course... Ah, mais ça, on est revenu du coup. Bah, sans, il dit les mecs admettent leur manque d'objectivité, ça me tue. Je pense qu'ils reconnaissent plus leur erreur qu'ils admettent leur manque d'objectivité. Mais voilà. Rallye 50, que Renault et Alpine comme moteur client, ça ne doit pas les aider pour améliorer leur moteur. Je suis pas certain de comprendre. D'accord, oui. Je ne sais pas s'il y avait une question vraiment naïve derrière ou si c'était une blague. Piastri, on en a parlé de sa super remontée, évidemment. Alors, Argli qui demande, j'ai entendu dire que Hassan relance le projet en WEC. Est-ce que c'est pas une porte de sortie déguisée de papa pour son fiston? Ah ben, fort possible, ouais. Après, même juste, je pense que ça va au-delà de ça quand même. C'est important pour Aston Martin parce qu'il y a eu un gros investissement de sa part et de son consortium ces dernières années pour faire connaître la marque dans le sport automobile, quoi. Je veux pas dire de conneries. Je pense que Monsieur Moyen ou peut-être même Shira pourra me corriger si je dis une bêtise, mais le projet WEC, c'est avec la Valkyrie. J'imagine. Absolument, ouais, c'est ça. L'article. Donc, le truc, c'est que, alors j'ai aussi vu la rumeur, c'est un travail colossal à faire, hein, parce que la Valkyrie n'a rien d'une voiture d'endurance. C'est pour ça. Et puis, il y a un travail monstre qui a été fait pour sortir cette bagnole juste en voiture de route, en fait, déjà. Faut fiabiliser le truc pour que ça roule 24 heures. Il y a un V12 dedans, donc déjà, il faut changer le moteur. Voilà, c'est ça. La voiture en elle-même doit aussi être adaptée à la réglementation du jouet, parce que ça, c'est pas une voiture de. C'est pas une hypercar, ça. Donc, il faut ensuite adapter à la réglementation. Enfin, moi, j'ai vu aussi la rumeur passer, mais j'y crois pas du tout. Franchement. C'est très gentil de ta part. Ça peut être un moyen de contourner un petit peu le plafond budgétaire en allouant des ressources pour le projet Hypercar et accumuler certaines connaissances qui peuvent être utiles pour la F1 ensuite. Quoi. On va pas se le cacher, il y en a beaucoup qui ont fait ça. Hein, Bah oui. Et puis, je veux dire, le mec qui vient d'investir des millions dans une nouvelle usine, autant qu'elle serve. Après, c'est ce que il est marqué dans l'article de Motorsport. Déjà, bon, il n'y a aucune confirmation de la part d'Aston Martin. Ils disent qu'effectivement, ça pourrait les intéresser de revenir un jour en WEC et plus précisément participer aux 24 heures du Mans, évidemment. Après, ils ont déjà le Aston Martin, ils sont déjà en GT, dans la catégorie GT, je veux dire. Après, de ce que j'ai compris, eux, ils voudraient faire le WEC et l'IMSA en même temps. S'ils venaient à refaire un truc comme ça, ce serait pour faire les deux. Donc l'IMSA qui est, je crois, c'est le championnat américain. C'est le championnat d'endurance américain, mais de toute façon, la Valkyrie n'est pas éligible à l'IMSA parce qu'il faut vendre un certain nombre de voitures. Oui, c'est ça, oui. C'est pour ça que justement, il y a tout à faire, en fait, s'il veut faire ça réellement. Il faut qu'il fasse une vraie production de la Valkyrie, donc il faut faire une voiture de série. Enfin, de série, ça reste relatif, mais il faut vendre un certain nombre de voitures. Donc, je crois que c'est 500, un truc comme ça. Parce qu'on est très, très loin On est très, très loin de la Valkyrie. Il y a un boulot énorme à faire s'ils veulent vraiment relancer ce projet. Après, ils peuvent faire. Je sais plus qui avait fait ça. C'était pas Ferrari ou Lancia peut-être qui en avait fait genre 250, qui les avait foutus à un endroit. Ils avaient montré à la FIA ou à je sais plus. Non, c'était au WRC. Je conseille à mort l'épisode The Grand Tour. The Grand Tour, ouais. Ah mais j'en ai marre. Putain, mais habiter Toulouse, hein, les mecs, hein, je vous le dis. Hein. où Jeremy Clarkson en fait revient sur cette époque du début du groupe B en rallye et qui explique justement les filouteries un petit peu de Lancia et même d'Audi à l'époque, justement pour commencer à intégrer en disant ah les gars, ce serait quand même pas mal d'enlever la ligne là qui dit comme quoi c'est interdit aux 4 roues motrices, ce serait quand même cool d'enlever cette ligne là, et que l'année d'après ils arrivaient avec la première Audi Quattro qui terrassait tout le monde. Et Lancia aussi avait trouvé des petites filouteries, et justement parmi celles-là, c'est ce que Tim disait, c'est qu'il y avait eu aussi, entre le matin et l'après-midi, il déplaçait 250 voitures pour pas avoir besoin de faire 500 voitures. Quoi. Ça permettait de gagner un peu d'argent sur ça. Quoi. Juste, je rebondirai sur un truc à MacWest qui dit que Alpine pas foutu de faire son moteur WEC. Alors, je ne sais pas si tu es au courant, mais ça fait depuis les années 80 que Mechachrome est chargé d'assembler les moteurs Renault en Formule 1. Donc en fait, ça ne change rien du tout. Oui. C'était juste un aparté. D'accord. Absolument. Mais c'est vrai qu'ils ne savent pas assembler des moteurs de F2. Oui. Du coup, non. Alors qu'en F1, ça va, il n'y a pas les mêmes problèmes. Mauvais exemple, mais... Après, la Valkyrie, pour rappel, parce que c'est vrai qu'on a peut-être un peu oublié, mais c'était de base avec un... C'était un partenariat avec Red Bull, quand ils étaient encore sponsors avec Red Bull, avant que ce soit racheté par, Papa Stroll, justement. Et depuis que Stroll a racheté Aston Martin, etc., le partenariat avec Red Bull, évidemment, a cassé. Et donc, le projet Aston Martin Valkyrie qui devait se faire justement pour propulser et Red Bull et Aston Martin en endurance, il a capoté aussi rapidement que Stroll a racheté Aston Martin. Donc, c'est pour ça que ce projet a été mis à l'arrêt complètement. Il n'y a rien qui existe. Que peut-être qu'il viendrait à le refaire, mais avec un autre bloc, parce que je crois qu'en plus, comme il y a monsieur, non, c'était Gazou, je crois qu'il avait dit ça, oui, que ça devait être normalement un bloc Honda dans la Valkyrie, quelque chose comme ça. Ouais. Donc voilà. Gazou qui disait justement que Stroll avait dit qu'il voulait se lancer au Mans lorsqu'ils ont révélé l'Aston l'an dernier, en 2022. Mmh. Donc ouais, c'est bel et bien un projet, visiblement. Ouais. Quelque chose, mais pour l'instant, ils n'ont rien officialisé. Ce sera peut-être autre chose que la Valkyrie, d'ailleurs. Hein. Ce sera peut-être même pas... Alors, pourquoi que j'étais pas au GP Explorer ? Version gentille ou version méchante de la réponse ? La version gentille, c'est que ça ne m'intéresse pas. J'ai déjà fait le trajet au Mans une fois et c'est long. Et puis t'as fini à l'hôpital parce qu'on t'a blessé volontairement aussi. En plus. Oui, volontairement, hein, il faut bien préciser. Ah, oui, oui, oui. Et qu'en termes de budget, ça va. Et puis, quitte à aller au Mans, j'aurais été voir du Forest, mais il n'était pas chez lui. J'ai jamais vraiment eu l'opportunité d'aller sur un Grand Prix, mais si je devais le faire, ce serait pas pour ça. Et il y a Tony qui est actuellement en train d'officier aujourd'hui au Paul Ricard en tant qu'assistant directeur de course. Stagiaire directeur de course. Aussi, stagiaire directeur de course, c'est-à-dire qui fait le café. Il y a autre chose que j'avais marqué dans le chat, mais je ne vais pas le dire. qui a partagé des photos la dernière fois de son où il était là en commissaire piste, où il a pris des photos du Grand Prix historique. Moi, je veux voir ça. C'est incroyable. C'est incroyable les photos, enfin les bagnoles qu'il y avait. C'est tout sur le serveur. Discord, ça a été partagé, mais je les retrouve. Il y avait une Tyrell, je sais plus si c'est la 003 ou c'est la 003, donc celle que j'ai encadrée juste là. Il y avait de la Ligier, de la Jacques Lafitte, avait de la 312 T2. La Ferrari de Niki Lauda, enfin, voilà. Ouais, c'est ça que je veux voir, si je veux voir des bagnoles rouler, quoi. Je vais retrouver... Vas-y. Il y a aussi, pour ceux qui s'intéressent aussi, pour avoir les retours d'un ami qui a été là dernièrement, il n'a pas pu avoir les places... pour les 24 heures du Mans officiel, on va dire, pour les 100 ans du fait que c'est parti très très vite. Mais par contre, il s'est vengé, il a été voir les 24 heures du Mans historique. Tu passes aussi un bon week-end, clairement. Hein, il nous a vendu du rêve, cet enfoiré. c'est l'occasion de voir de très belles voitures, de voir des belles personnes aussi, des cadors de l'endurance, et en même temps de voir des bonnes vieilles voitures tourner. Avoir une accessibilité au circuit qui est quand même assez correcte. Bon, ça, il y a quand même du monde, bien sûr, mais ça se fait très bien, il paraît. Donc, c'est aussi l'occasion, justement, ça fait partie des occasions de participer, de voir des courses autres que, évidemment, la Formule 1 où tu laisses un rein pour pouvoir y participer, enfin, en tout cas, pour y aller. Dédicace à ceux qui ont laissé leur rein et puis qui ont été voir le Grand Prix de Spa 2021. Voilà. J'en connais qui n'en sont pas revenus intacts. Hein. Ah bah et, oui. Ils boitent encore. Et d'ailleurs, je pense à Antoine, le pit stop, qui avait fait son premier Grand Prix à Spa en 2021, justement. Mmh. Et cette année, il est allé à Zandvoort. Où il s'est ramassé une pluie monumentale aussi dans la gueule. Oh, c'est pas vrai. Faut lui dire qu'il arrête d'aller voir des grands prix au mois de septembre. Du coup, faut pas qu'il y aille. Du coup, faut pas qu'il y aille, clairement. Moi, je voulais partager quelque chose également pour mettre un petit peu Chiran en position de tachycardie. Je l'attends depuis le début du live. Alors, cet extrait d'un compte Twitter très populaire qui montre cette photo du volant d'Oscar Piastri. Il l'a vu. Qu'est-ce qui se passe? Mais non. Mais non. Il l'avait pas vu. À chaque ligne, c'est un « mais non !» La température des pneus, 70 degrés, mais ils sont pas sérieux. Mais putain, mais faut être bon, là, 70 degrés. Même les pneus de ta Clio sont pas aussi froids. Oh putain, yes. Ah, yes. Oh, bordel. Bon. Bon, vas-y, Chira, parce que si c'est pas toi, c'est moi. Non, y a rien qui va, hein, parce que bon, déjà, on n'a pas les. On sait pas du coup exactement que veut dire alors, quoi. Alors, en fait, c'est vrai que. Alors, la vitesse, c'est bon. Ça, le delta, c'est sûrement bon aussi. Il y a un truc qu'on peut supposer aussi, attends, je me permets deux secondes. La petite LED bleue, ça peut. Je dis pas, je sais pas si c'est le cas ou pas, parce que ça dépend de d'où vient le screen, mais ça peut être DRS ouvert. Non, c'est moi, vrai de vrai, je non, sais non, pas. Non, en non, vrai, la LED, c'est le rupteur. Oui. Là, t'es en bout de la ligne droite. Hein. Ah, ça dépend, parce que tu sais, par exemple, je sais plus c'est quel volant dans. C'est McLaren. Voilà, c'est McLaren, mais je crois que. Bah, après, en fait, c'est le même. En fait, ce qu'il faut que savoir, c'est que l'écran et les LED, donc sur les côtés et en haut, c'est McLaren qui fournit ça, et c'est à tout le monde que c'est fourni. C'est McLaren, voilà. Advanced Technology, ils fournissent toutes les équipes. Exactement, ouais. Et du coup, en fait, les LED là, c'est le rupteur. Au début, ça sera rouge, plus ça monte, ça sera bleu. C'est vert. Enfin, je sais plus exactement les couleurs, mais en tout cas, ça monte. Ouais, c'est ça. C'est vert. Il y a, alors, je sais plus. Je crois que c'est 18 LED ou quelque chose comme ça. Enfin, on va dire 15, comme ça sera facile. T'en as 5 vertes, 5 rouges, 5 bleus. Et je crois que c'est chez Mercedes où, comme ils se servent pas tout le temps des LED vertes, ils affichent juste rouge et bleu. Ouais, ils affichent juste le rupteur et le passage. Certains affichent juste la fin. Ça dépend des équipes maintenant. Ça dépend des écuries, ça dépend de leur manière de faire. Parce que oui, ils filent le volant, mais après, ce que tu mets dedans, tu fais ce que tu veux. Quoi. Après, voilà, ils te fournissent le hardware. Après, le logiciel, c'est toi qui te débrouilles pour mettre ce que tu veux. C'est pour ça que les écrans ne sont jamais les mêmes, etc. Et je sais que Mercedes, je crois qu'ils avaient une des LED vertes, justement, au tout début, justement, à gauche, pour ne pas tromper, confondre avec une LED pour dire passe les rapports. Où c'est pour annoncer le DRS et aussi même la détection du DRS. Dire DRS autorisé, tu peux appuyer sur le bouton. Donc souvent, tu peux avoir deux LED vertes qui peuvent être allumées sur la Mercedes pour dire, bah, là, il a le DRS ouvert et il a bien détecté son DRS. Mais par contre, le reste, là, 70-71, oui, effectivement, ça peut correspondre aux quatre roues, mais après, qu'est-ce que c'est? On ne sait pas. Hein. Ça peut être... je ne sais pas. On a dit dans les couvertures chauffantes, pauvre. Ouais, voilà, les pneus. Déjà, je crois qu'elles sont à 80 degrés, les couvertures chauffantes cette année. Ils trouvent que c'est trop froid. Oui, voilà. Ah. Et puis ensuite, bon, un pneu normal, on considère qu'il est froid à 80-85 degrés. Et température optimale, c'est entre 90 et 110. Au-delà, ça surchauffe. Donc, ouais, 70. Oui. Là, fin de la ligne droite, tu finis droit dans le gravier. Hein. Ça dépend, Chira. Si on parle d'inter, ça marche. Mais là, c'est pas des intermédiaires, quoi. C'est des softs, donc. Oui, c'est très froid. Non, mais c'est la blague. Et break balance 50, bon, bah, ça veut dire quelque chose déjà. Bah, surtout que la break balance, ça peut pas être ça, parce que déjà il y a un mois, donc ça veut dire que c'est un delta de quelque chose. Mais bah, je pense justement que la break balance, ce sont les 4 trucs 70, là, parce que la break balance, bah, c'est suivant chaque. C'est pour chaque frein. Donc je pense que les trucs en bleu, c'est break balance. Attends, t'es sûr de ton coup là? Je sais pas, on sait pas qu'est-ce que ça veut dire de base. Oui, mais c'est il me ça, semble c'est que le, base, alors, le break balance. Le break balance, c'est l'équilibrage entre guillemets. Oui, c'est l'équilibrage des freins, oui. Mais tu peux pas régler par sur chaque pneu, tu renvoies un peu vers le train avant ou tu renvoies vers le train arrière. On peut pas le régler sur les quatre. Ça veut dire que si tu peux régler indépendamment. Hein? On t'est sûr qu'on peut pas les régler indépendamment? Je pensais. Non, je crois pas que c'est indépendant. Je crois que c'est par train. Il me semble. Enfin, c'est d'ailleurs pour ça que des fois tu peux avoir l'avant droite ou l'avant gauche. C'est pour ça qu'ils règlent souvent l'équilibrage des freins, c'est pour dire bah, je renvoie un petit peu les freins vers l'arrière parce que là, dans ce virage-là, sinon je vais avoir la jambe qui bloque. Je pensais qu'on pouvait. En GT, oui. En Formule 1, je sais pas, honnêtement, j'ai un doute. Je suis pas sûr de mon coup. Et même. Je crois pas que tu puisses régler indépendamment les freins. Puis même, à mon avis, c'est. Alors, je suis à gérer aussi parce que tu sais, ils ont juste une manette. Ça me choquerait pas que ce soit quelque chose lié aux freins. Par contre, je pense pas que ce soit la balance, parce que comme le dit Strigoon, la balance, il faut que ta balance soit sur quelque chose. Si tu fais une balance sur ton avant droit, par exemple, c'est quoi là, en fait, la balance? C'est quoi qu'il y a de chaque côté de ta balance? C'est ça le truc, en fait. Parce que souvent, quand tu dis je mets l'équilibrage des freins, bah, par exemple, là, on va dire à 50, on va prendre l'exemple que ce soit 50%, ça veut dire que tes freins avant et tes freins arrière vont freiner. À peu près uniformément. Donc 50% du freinage sera fait à l'avant et les autres 50% seront faits sur le frein arrière. Et encore, ça dépend, parce qu'il y a aussi à prendre en compte le frein moteur du MGUK. Un jour, on fera une chronique salée sur MGUK, promis. si par exemple, tu dis, bah, là, sur ce, par exemple, un freinage qui est très, très, très violent, par exemple, on va dire au casino après 130 R, là, tu vas mettre en général plutôt 55-60, parce que là, tu as un gros frein quand même à sortir. Là, en général, tu vas mettre 60-40. Donc, ça veut dire que 60% de ton freinage sera fait sur les freins avant et 40% sera fait que sur les freins arrière. Mais tu peux pas dire que sur les 60% là, après, tu en as 75% sur le frein de gauche et 25% sur le frein de droite, tu vois. C'est encore plus le bordel. Je me souviens à l'époque, maintenant ils l'ont sur le volant, mais avant, tu peux voir encore sur des onboards de l'époque, genre 2010-2012, hein, c'était encore le cas, où tu les vois aller chercher une manette sur le côté droit ou sur le côté gauche, ça dépend du cockpit ça dépend de la voiture, hein, c'est comme d'hab. Mais c'était une manette qui permettait justement de régler plus ou moins le frein vers l'avant ou vers l'arrière. Et donc forcément, quand c'est une manette, là obligé, tu fais les deux en même temps, quoi. Tu fais pas, tu prends la manette, tu l'envoies un peu à gauche pour envoyer un petit peu plus à gauche ou à droite, tu vois ce que je veux dire. Donc c'est pour ça que ça me choquerait pas que ce soit encore le cas, que ce soit l'essieu complet que tu équilibres et pas indépendamment chaque pneu. J'ai une théorie. Vas-y. En fait, j'ai vu sur Twitter, du coup, par rapport à ce tweet qui a fait polémique, bien sûr, que bah, les 70, ce sont bien les températures de pneus, mais qui sont faussées par les équipes qui ont leur propre système pour éviter justement que les autres lisent. Se branchent. Alors, ça peut être, par exemple, 30 degrés inférieurs ou 35, après, c'est eux qui établissent. Ah, exactement. Ça peut être un delta, effectivement. Un vrai truc qu'il y a chez Ferrari, c'est qu'eux, ils mettent le delta par rapport à leur température optimum. Donc, des fois, par exemple, tu vois moins 35 au départ dans le tour de chauffe, et à la fin, tu vois plus 10 ou moins 5. Chez Ferrari, effectivement, ils font 0, c'est-à-dire que c'est optimal, et ensuite, tu as le delta suivant la température. Ils font comme ça. Exactement. Ouais. Et tu peux voir aussi, parfois, ça arrive, j'ai déjà vu aussi la température des freins, ils le montrent quand même, des fois. Souvent, tu vois un 400, tu fais « Ah oui, non, là, c'est pas les pneus, tu vois, mais c'est tout. » Non, je vide. Mais alors, Shira a déménagé dans le hood. Je vide dans GTA. Depuis tout à l'heure, c'est pas possible. Les ambulances, les flics, c'est qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Mais il y a une manif ou quoi? Non, je crois qu'il y a rien. Il y a rien. Putain, ça n'a aucun sens. Ah, ça m'énerve. Non, mais j'habite à Gotham City, il n'y a pas d'autre. Gotham. Pas bon, voilà, c'était pour montrer ça un petit peu et toujours un peu avec notre volonté très méchante et moqueuse de mépriser les gens et puis accessoirement d'avoir un petit but pédagogique là-dessus. Alors, hein, parce tu peux rajouter un petit truc encore ou pas? Oui, bien évidemment. Alors, il y a un vrai truc à voir sur le volant, par contre, qui est intéressant et ils n'en parlent même pas, mais il y a la jauge de batterie à droite. La jauge que vous voyez, la rouge, jaune, vert, ça, c'est la batterie, par exemple, typiquement. C'est le SOC de la batterie. Oui, parce que le rupteur est... oui, en haut, c'est le rupteur. Donc, c'est les, voilà. C'est les tours minutes de ton, du moteur pour savoir à quel moment il faut passer les rapports. Et à droite, là, sur l'écran, tu as la batterie. Et vu que ton moins 50 et ton moins 3,7, d'ailleurs, on ne sait même pas d'où il sort, hein, le moins 3,7, on ne saura jamais. Puis, je pense qu'on ne saura pas. Bah, même on ne sait les pas deux, à quoi ça correspond. Ouais. C'est peut-être aussi associé à l'ERS et pas du tout en fait à l'équilibrage des freins. Hein. Ça peut être aussi ça, par exemple. Donc, il y a plein de choses. Et en fait, tout ça pour dire que c'est très difficile de savoir exactement ce qui est affiché au volant de ta voiture, au volant de la voiture. Quoi, en fait. Voilà. Et dans les commentaires du tweet, quelqu'un demande est-ce qu'il n'y a pas des vidéos qui expliquent les volants, tout ça. Les choses soient claires. Vous allez en trouver plein des vidéos qui vous expliquent les volants. N'oubliez pas que chaque équipe a ses boutons différents, tout ça, machin. Vous allez en trouver sur la chaîne YouTube de Préma qui explique le volant des F2. Mercedes, enfin les équipes de F1 ont toutes des vidéos. Il y a certainement des YouTubeurs, des gens qui ont, ou des ingés qui ont fait des vidéos sur le volant F1. Mais la partie qui est ici en question, l'écran, personne vous en parlera, à part pour vous dire on voit les vitesses et le rupteur, parce que chaque équipe indique des choses différentes et ont des chiffres qui sont, bah, comme on le disait, interprétés différemment, justement pour pas donner trop d'infos. Je rappelle que ici même, en 2018, il y a Racing Point qui a sorti un dossier de 12 pages sur Renault pour dire qu'ils utilisaient des réglages chelous ou interdits. Non, c'était en 2019, pas 2020, que Renault faisait des trucs pas légaux avec leur voiture. Exactement. En regardant des morceaux du volant, et encore à cette époque, on n'avait pas ces onboard, donc c'était la T-Cam, donc on voyait pas bien. Au final, Renault a juste eu, c'est pas bien. Et c'est tout, parce que il n'y a rien dans le dossier qui peut prouver l'interprétation des données du volant. Ils avaient pas, attends, ils n'avaient pas été disqualifiés, enfin, de la course, peut-être. Disqualifiés à Suzuka, parce qu'en fait, c'était... Non, c'était un truc très chaud. Ils avaient, en gros, un système qui automatisait la balance des freins. Oui. Et en fait, ils se sont rendus compte de ça, parce qu'ils l'ont vu dans un... C'était en plus un truc de... Promotion, c'était un truc de promotion. C'était, c'était encore avec Ricardo, et même pas un Tivicar, c'était avec une GoPro. Oui. Il avait une GoPro sur le casque, et en fait, ils ont vu que la balance de frein changeait sans qu'il ait à toucher une molette. Et c'est là qu'ils se sont dit, mais attends, mais ils nous l'ont mise à l'envers en mettant un balance de frein automatique. Et là, c'est très très, enfin, c'est interdit, c'est au pilote de faire sa balance de frein tout seul. Et c'est comme ça que, du coup, je crois que c'était Racing Point, Racing Point, qui avait réussi à avoir gain de cause et interdit, enfin, en tout cas... Oui, mais le dossier n'a été valable que pour Suzuka. Que pour Suzuka, parce qu'il avait fait le dossier à Suzuka, je crois. C'est un peu comme ça. Mais bon. En tout cas, tout ça pour dire que c'est pour cette raison-là que... Le système n'a pas été jugé illégal, mais ils ont pris une pénalité. C'était un truc comme ça, quoi. Ouais, voilà, ouais, c'est ça. Ouais. Mais c'est d'ailleurs pour cette raison-là aussi que les mecs sont de plus en plus chauds à faire en sorte que l'affichage des écrans soit maintenant flouté, parce qu'il y a trop de monde qui interprète. Les ingénieurs, ils y vont de bon cœur, parce que là, t'as vu, là, nous, là, on vient de passer un quart d'heure dessus. Imagine l'ingénieur Mercedes ou l'ingénieur Red Bull. Bah, les gars, ils ont des départements dédiés à analyser les autres. À l'espionnage industriel, c'est dit de cette manière-là, ça paraît bizarre, mais ça arrive, ça passe de partout, et surtout en sport automobile. Je ne fais que deviner, mais je suis convaincu que vous avez un minimum de 20 personnes dans chaque équipe, enfin 19 personnes dans chaque, 18 personnes dans chaque équipe, qui ont pour boulot de regarder chaque onboard individuellement, à tout analyser et écouter les radios, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Puis à dire, hey, tu sais pas, le mec là, lui, il utilise ça en comme balance. Pas sauf chez Ferrari, mais. Chez Ferrari, non, chez Ferrari ils sont 18 et ils se les répartissent 9 pour Leclerc, 9 pour Sainz. Pour être sûr de. faire les choses. Pour encore réussir à rater les arrêts au stand, tu sais. Pendant la course, Leclerc et Sainz, dans leurs oreilles, ils ont la radio des autres pilotes. Mm-mm. Voilà. Bon, on vient de passer quand même du temps dessus, ouais, on va peut-être passer à autre chose. Mais c'est intéressant, non, mine de rien. Ce genre de Gaspacho qui demandait, est-ce que c'est possible d'être leader en F1 sans construire son moteur à Red Bull? Après, la nuance, c'est effectivement, ils sont un motoriste qui leur sont entièrement dédiés. Effectivement, puis, ça c'est autre chose. Il y a de grandes chances que, par exemple, si demain Mercedes voit que McLaren est double champion du monde, pilote et constructeur, soit Mercedes va leur dire bah, le moteur vous le payez 4 fois plus cher, soit vous trouvez quelqu'un d'autre parce que normalement c'est nous qui sommes censés gagner. On veut bien que vous fassiez des perfs, mais derrière nous. Donc on va trouver un arrangement qui va nous plaire, d'accord? Parce que quand Red Bull gagnait avec Renault, c'était pareil. Renault, il voulait disparaître de la surface du monde suite au Spygate, enfin Crashgate, pardon. Donc, ils étaient entièrement dédiés à Red Bull en tant que motoriste. Et ensuite, Brown Mercedes, là, c'est une victoire cliente, purement cliente. Parce que McLaren-Mercedes, à l'époque, avec Häkkinen, Hamilton, Mercedes était uniquement dédié à McLaren. Et pareil avec Williams-Renault dans les années 90, Renault était uniquement branché sur Williams, 96-97, même s'ils ont gagné avec Benetton en 95, ils fournissaient Renault en 95 Williams. Non, c'est l'inverse. Ils fournissaient Williams en 95, Renault. Ouais, je crois, ouais. Mais bon, voilà, c'est très très rare. Après, il faut peut-être remonter aux années 60-70 quand Ford motorisait toutes les équipes, sauf les constructeurs, quoi. Combien pour un quel sont celles de Mick? Pourquoi tu m'as mis cette question, Strig? Pourquoi pas? Le but était évidemment de te faire chier. Et ça a marché. Tiens, Strigoun porte la même tenue à chaque live, on dirait un PNJ. déjà, justement, c'est faux. Voilà, je le dis, c'est faux. Il y a juste la casquette qui reste. Mais c'est pour des raisons... Tu vois, j'assume pas autant que Aurélien. Voilà. Voilà, j'assume pas autant. Regarde les compliments que je reçois au final. Oui, c'est pas faux, c'est vrai, c'est juste. Après, je pense la nuance, c'est que Auré, ça... Toutes les coupes de cheveux te vont très bien. C'est très beau. Putain, mais Strig, c'est... Le cirage. Arrête. Alors que bon... Non, mais Strig, ça te va bien, la casquette. Il paraît. Ouais, moi, j'en trouve une noire, plutôt que la grise. Ouais. Et si avant, là, t'avais ta chemise rose que tu mettais pour les lives Ouais, mais je sais pas, j'avais pas envie. Ouais. Oh, merci. Et là, j'ai pu mettre la chemise verte parce que sinon, avec le fond vert, ça passe pas. Merde. Bah oui, bah là, tu pouvais la. Oui. La lave-la. Ah ouais. Voilà. J'ai pas envie aujourd'hui. Faut que je remette. Après, quand je dis gagner, c'est gagner des titres hein, pour un constructeur motoriste. Ferrari écoute RTL2, pas les autres radios. Bon, ça va être l'heure de passer aux choses très sérieuses, à moins qu'il nous reste quelque chose, Strig. Non, je crois que tu as fait le tour des questions et tout ça. Hein. Oui, parce que là, ça va être l'heure d'aller manger et d'aller au dodo. Donc, c'est l'heure du petit. Et tu ne devineras jamais à quoi je pense. Tu voudrais pas qu'on se fasse un petit prono ? Prono Promo, sponsorisé par Groin, les plus grosses cotes de porc sportives en ligne. C'est une vraie bataille d'orgueil au HMG Night Fever. Puisque après une belle victoire à Spa-Francorchamps de la part de Tim, il avait repris la tête au classement, mais suite au pronostic de Singapour, il a à nouveau perdu la tête de course. Je tiens à déverser toute ma haine sur George Russell, qui n'a rien trouvé de mieux à faire que d'aller taper le mur dans le putain de dernier secteur du dernier tour. Attends, j'avais le podium pareil, parfait. C'était chaud. Hein. Et je crois que tout le monde presque avait mis Russell sur le podium. Ah, mais j'avais le podium parfait dans l'ordre. Je crois que j'avais mis. J'invite Gazou aussi à m'envoyer ses pornostics si t'es toujours là pour continuer à participer à la lutte. Du coup, j'ai eu ma cote de porc, moi. Oui, j'allais le dire. Ouais. J'ai eu ma cote de porc parce que ça marquait des points avec Magnussen 10e. Ouais. Merci, Russell. Strigone, ta cote de porc, attends, c'était quoi ta cote de porc? Liam Lawson dans le top 10. Ok, j'avais pas noté ça, moi j'avais noté ton histoire du Crash Gate. Bon, oui. J'avais dit Liam Lawson dans le top 10. Après, ouais. D'accord. Oui, voilà. Shira qui avait dit donc une victoire Ferrari, c'est une cote de porc. C'était pas la bonne, il a eu ses 5 points. Et donc, je suis premier à 65 points, Team 64, Gazou 59, et ça, ensuite, c'est serré. Et après, c'est Loïc 47, Strig 45, Shira 36. Donc, c'est un peu plus loin, mais aux avant-postes, c'est très, très serré. Pour demain, je prédis une victoire de Verstappen. Il y a du risque. J'aurais dit ça en côte de porc, mec. Côte de porc. Il y a du risque. Je donne la deuxième place. Je sais pas, moi, tu vas encore là. À Pérez et la troisième à Piastri. Et Pérez. Pour cote de porc, c'est pas très cote de porc. Je reprends la grille de départ sous les yeux. On va la rappeler pour tout le monde. Donc, c'est la 3 milliardième pole position de Max Verstappen devant Oscar Piastri, Norris et Leclerc. Pérez 5, Sainz 6. Hamilton, Russell, Tsunoda, Alonso, Lawson 11 devant Gasly, Albon, Ocon, Magnussen, Bottas, Stroll, Hülkenberg, Zhou et Sargeant. Est-ce que c'est risqué un top 5 Mercedes? Ouais, non, il part combien, t'as dit, Mercedes? C'était 8. 7-8. 7-8, ouais. Top 5, c'est chaud. Hein. Je pense que c'est une cote de porc. En même temps, c'est jouable, hein. Ça me choquerait pas. Hein. Ok, ouais, c'est jouable, mais c'est pas si risqué, je trouve. Les deux dans le top 5 ou juste une dans le top 5? Au moins une Mercedes dans le top 5. Les deux dans le top 5, là, je dirais cote de porc. Ouais, oui, clair. Oui. Ok, les deux, non, mais oui, mais... c'est un peu light, je le conçois. Dans ce cas, je sens un clash par radio interposée ou. Des comportements en piste un peu limite entre les pilotes McLaren. Ça c'est sûr. Allez, on accepte. Okay. Ouais. Chira, tu prévois quoi toi? Alors moi je vais oser les tentatives. Je vais dire que casse moteur Verstappen, victoire Piastri, deuxième Pérez, troisième Norris. Paternor. Oh, c'est beau ça. Et casse moteur Verstappen en code de port. Ouais. Parce que s'il ne gagne pas, c'est qu'il a abandonné. Donc. oui, clairement, oui. Ou alors on l'a sorti. Ça compte pas, quoi. Oui, on l'a sorti, quoi. C'est pas impossible qu'il se fasse sortir en vrai. Premier virage, il est quand même assez chaud. Hein. Bah, tu me diras, non, il va mettre une pub à tout le monde, cet enfoiré. Ouais, Piastri va passer Verstappen au premier virage, ouais. Pour se faire doubler deux virages. À l'intérieur ou à l'extérieur, les premiers le premier. Bah, le premier est à l'extérieur, je crois, justement. Ah, il est côté extérieur ? Ouais. Bah, ce qu'il y a, c'est que c'est souvent le compromis à Suzuka, c'est que la piste est vite sale du côté droit. Mais qu'en même temps, si tu arrives à vraiment bien partir, tu peux faire une Senna. Je veux dire, tu peux passer le premier facilement. Tu peux le Sennaiser. Ouais. Tim. Alors, pour mon podium, je vais dire Verstappen, Norris, Piastri. Je vais juste inverser les deux McLaren. Et pour la Côte de Port, je suis en train... de scroller sur le Twitter de la Formule 1 pour vérifier d'un truc. Mais j'ai bien envie de parler de l'attribution du titre constructeur de Red Bull qui est quasiment assuré. Je cherche juste les conditions. Bah, il faut qu'il marque plus de points que Mercedes et que Ferrari n'en marque pas plus que 25. C'est pas une côte de port dans ce cas. Hein. Ouais. Non, justement, ma côte de port, c'est qu'ils ne sont pas titrés ce week-end. Ah, là, c'est une côte de port, oui, d'accord. Bah, si Verstappen gagne, c'est pas possible. Ah oui, parce que là, il met 25 d'un coup, donc forcément. Ouais. C'est vrai. Dans ce cas-là, je vais taper une côte de port très audacieuse. Pour laquelle je demanderai peut-être révision du barème si elle passe, puisque je dis que Logan Sargeant se rattrape et marque des points. Ouh. Audacieux. Ouh, oui, joli. Strig. Ben, j'allais dire pareil que Tim, Verstappen, Norris, Piastri. Après, bon, je veux bien changer si jamais ça pose problème. Bah non, c'est bon. Hein. Bon, bah vas-y, je garde la même chose que Tim. Par contre, moi, le Côte de Port, moi, j'aurais bien dit... alors, j'hésite. Est-ce que vous êtes d'accord avec une Côte de Port où New Kid Tsunoda reste dans les points ? Termine dans le top 10. Ouais, clairement, ouais. Est-ce que ça, c'est une Côte de Port ? Moi, je trouve pas... Sinon, il y a une autre côte de port que j'avais en tête, c'était les deux AlphaTauri dans les points. Ah, les deux, ouais, c'est différent. C'est plus. Parce que Lawson 11, si ça se fout encore sur la gueule dans l'avant-poste, peut-être qu'il y a moyen que les deux soient quand même dans le top 10. Je me dis peut-être que. Okay. Moi, je la passe. Celle-là, je te la passe. Ouais, parce que c'est Strigoun et il a pas beaucoup de points. Oui. Oh, c'est pas vous que je vais faire chier, oui, c'est sûr. Oh, ça va vite, hein, tu sais. Sargeant qui marque des points, c'est pas une cote de port, c'est un miracle. c'est pour ça que je demanderai révision du barème si elle passe. C'est un miracle port, là, du coup, oui, effectivement. Oui. Aurélien. Oui. Instant promo prono. Victoire de Verstappen, cela ne fait aucun doute. Hein. Mais moi, je suis plus focus sur la bataille pour la dernière place, à vrai dire. Où là, vraiment, les enjeux sont grands, quoi. Oui. Du coup, j'ai passé les 5 dernières minutes à réfléchir là-dessus plutôt qu'au vainqueur. Du coup, vous me prenez de court là. Mais je vois bien le top 3 des qualifs être le top 3 de la course finalement. Donc Verstappen, ouais. Norris. C'est pas plausible aussi, oui. Et pour la dernière place, moi je fais confiance à la SMT, c'est-à-dire Sargeant, Magnussen, Tsunoda pour Tsunoda sur abandon, bien sûr, hein, étant donné qu'il n'a vraiment pas de chance, quoi. Et Côte de Port, les deux Alpines dans les points, ça commence à dater, non ? Ah oui. Ouais, il y a des Ouais, J'ai pas absolument rien entendu, cher. Mais... bah, il a dit. Il a... Ouais, voilà. Jira qui a fait Gogo Gadgeto V12. Gogo Gadgeto Y. Mais en tout cas, si c'est pas assez risqué, je peux dire Stroll dans les points et pas Alonso, si jamais vous voulez vraiment du. Ah, mais les deux Alpines. Oui, ça va. Faut pas non plus que tu sacrifies des points pour rien en prédisant un truc impossible. Je suis sûr que j'en ai deux, donc au final. Moi, je suis là pour le spectacle avant tout. Pour le spectacle. Oui, on le sait, bien évidemment. Bon, eh bien, on retrouvera. Bien sûr, les hâtes de tout le monde dans les descriptions. Je rappelle qu'il y a une nouvelle page de podcast spéciale FMG Night Fever, dont le lien est aussi en description, sur vos plateformes préférées ou pas. Voilà. Donc, à tout le monde, on se dit pas bonne nuit, parce que quand même, il est 18h40 en France du moins, donc on se souhaite un bon appétit. Hein, c'est l'heure d'aller manger et puis on va se coucher tôt parce que demain il y a Grand Prix très tôt et aussi demain après-midi j'en profite pour le dire, il y a un live sur le Twitch et peut-être même ici, je sais pas, sur YouTube, s'il sera sur la VOD ou ici, on verra, ça sera la surprise, des lives plus historiques et plus déconnes, donc voilà, des gros bisous à tout le monde et bonne nuit. Allez, au revoir.